Moi, je m'appelle Josiane, j'ai 26 ans. J'écoute Actu Soli parce que ça me repose, parce que demain, je retourne au travail. Tout le monde écoute Actu Soli. Actu Soli sur Indestar. Vamos. Vamos. Vamos. Oui, vamos à la playa. Non, c'est vamos. Hey, qui a la ref, hein? Eh ben, vous écoutez Actu Solide sur Indestar de 21h à 23h. Et vous pouvez nous appeler au 09 70 407 310, c'est gratos, le 300, matos. Alors, c'est 306 par contre. J'ai dit quoi? T'as dit 310. J'ai 306. Ah, c'est chier dessus. Ah là là, là t'auras des pompes. Non, t'auras des pompes. Ouch. Ouais, 10. Ah, non, 310. 310. Elle s'est trompée sur 310. J'ai 306. Ouais, non, mais t'auras 310 pompes. on est faut pas que je m'en achète des chaussures d'ailleurs. Des chaussures de... Bah t'as parlé de pompe, faut que je m'achète des chaussures. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Elles étaient mieux avant mes blagues. Vous savez que pendant... ouais, avant, ouais, non, mais vous savez que pendant le confinement j'avais mis mes chaussures à côté de mes pieds. Et j'avais dit je suis complètement à côté de mes pieds. Oui. Et moi j'ai envoyé un rouleau de papier toilette vide et j'ai mis je suis au bout du rouleau. Ouais. Blague et de merde. Après à côté c'est de mes pompes j'ai déjà fait dans un court métrage. J'ai déjà fait cette blague, je suis désolé Ahmed. Que moi ça. Personne l'a faite. Ah. Non, mais moi c'était plus drôle. Non. Si. Je suis sûr que c'était moins drôle. Si, moi c'était plus drôle. Non, je suis sûr que c'était moins drôle. Moi c'était plus drôle. C'était moins drôle. Moi c'était plus drôle. Les enfants, s'il vous plaît. Non, les enfants arrivent tout à l'heure. Ouais, ouais, les enfants arrivent tout à l'heure parce que. Mais ce soir. On aura des enfants surdoués, on nous a dit. Oui, ouais. C'est la prod. Enfin, le grand producteur d'Indestar nous a dit bon, ce soir vous recevez des enfants surdoués. Non, c'est moi qui te l'ai dit. C'est moi la grande productrice c'est toi. C'est moi le boss. Autant pour moi. Du coup, ce soir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je me décale? Ah, faut que tu te décales. Ah, parce qu'on est en live. Te vois à la caméra. Ah, alors, parce qu'on est en live. Ah, on est en live sur Twitch. Nous, on quitte pas Twitch. Comment on fait pour aller sur Twitch? Bah, vous appuyez sur Twitch. Vous allez sur le site indestar.fr. Ouais. Et vous avez un petit sur bouton violet. Actu Solide, etc. Et vous avez un bouton violet pour le live. Tu vois, ouais, c'est ça, on arrive à aller sur quoi, vous avez l'habitude maintenant. Ils sont en train de mettre la vidéo. Parce l'habitude que... ou l'habitrude? Jeu de mots. je ne relèverai pas. Généralement, on dit l'habitude. Du coup, ce soir, on est un peu en équipe réduite. Ouais, il manque un Jojo. Oui, bah oui. Jojo n'avait pas la frite, donc il n'est pas venu ce soir. Est-ce qu'il est mort surtout? J'espère pas, ce serait dommage quand même. Est-ce qu'il s'est bouillanté avec de l'huile du coup? Et il a couï. Dommage, il a couï. Il a couï. Comme un petit couï couï. Il a couï couï. Comment vous allez? Bah, je pense qu'on va tous bien, hein, ça va. Hein. Non, Anaïs. On n'a pas raconté notre semaine. Oui, bah, justement. Et bah, semaine travail et week-end resto, payé par le papa. Ça, c'est cool. Parce qu'on les invite au resto, mais c'est eux qui payent. Non, je peux expliquer. Parce qu'en fait, genre, normalement, on devait partir chez mon grand-père le vendredi après-midi. Ouais. Qui habite à pratiquement 2 heures de chez nous. Mm-hmm. Et du coup, je reçois un message le matin en disant bah, non, en fait, j'ai le Covid. Mon grand-père attrapait papy le Covid. Papy avait le Covid, mais il va bien, papy? Il va bien, papy. Bon. Il a juste des écoulements de nasal. C'est ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire un rhume. Voilà, c'est ça. Et au final, je fais putain, samedi soir, on devait faire un resto, fait chier et tout, j'ai envie d'un resto. Alors samedi après-midi, je me motive, j'appelle Théo pour qu'il fasse un resto avec moi. Ouais. Une excuse. Ouais. J'appelle ma mère pour qu'elle fasse un resto avec moi. Je lui dis, maman, tu fais quoi ce soir? Ah, bah rien. Pas d'excuse. Au pire, tu viens manger un resto avec nous. Elle me fait, ah non, mais attends, là, je crois que j'ai quelque chose de prévu au final, tu vois, genre le truc, voilà, un peu pourri. Et du coup, j'appelle un peu tout le monde, sauf que personne pouvait. Et du coup, on s'est... On a trouvé papa. On a trouvé papa. On l'appelait à 18h en mode, tu fais quoi dans 1h30? Papa était dispo quand même. Voilà, papa était dispo. Ou alors avec il n'a pas, pas trouvé d'excuse au dernier moment. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien parce que moi, à peine j'ai eu le temps d'aller pisser, ouais, que c'était payé. J'ai eu le temps de rien faire. L'excuse. Non, parce qu'avec ma soeur, on s'est dit, tiens, on va leur offrir parce que mon père et sa copine, c'est des gens très généreux. Mm-hmm. Mais trop d'un côté, tu vois. Genre, dès que tu fais un truc, attends, je te le paye, je te le paye. Alors toi, t'es là en mode, non, mais je peux me le payer quand même. Elle est contente de faire des choses avec ça. Ouais, c'est toi, ça. T'es content de payer des trucs pour eux. Oui. Ben, voilà, et ben non. Et du coup, ouais, j'ai eu à peine le temps d'aller pisser. Mon père avait le porte-monnaie. J'ai dit, non, mais attends, je vais payer. Il me fait, non, non, j'y vais. J'ai dit, non, vas-y, au pire, oui, vas-y, allez. C'est au bon, pire, vas-y. Oui. Ouais. Non mais c'est affreux, dès que tu vas dans un magasin que tu fais les boutiques avec eux, c'est le bug. Ah, c'est ouais. Affreux, je suis pas sûr que c'est affreux, mais oui. Bah non mais limite, ça en devient gênant. C'est gênant. Ouais. C'est tu prends des trucs quasiment que pour toi, t'en as pour au moins 100 balles, ils te le payent, mais papa c'est pour moi quoi. Tu vois. Encore gênant. Tu vois qu'ils nous offrent un petit truc genre ok, mais des fois ouais je te jure c'est impressionnant quoi. Moi je veux dire papa si tu veux être généreux, donne-moi un chat. Je Pourquoi veux un chat. Je veux un chat. C'est gratuit un chat. Pas tous. Ah mais pas tu veux tous. Un chat payant. Non, mais gratuit aussi. mais d'accord. Mais attends, prends-toi un appartement et après le chat arrivera. Bientôt peut-être, normalement, oui, bah oui, j'ai reçu mon papier. C'est bien, c'est bien. Elle va se lancer dans la vie. Oui. Active. Mais du coup, moi, la semaine dernière, j'étais en vacances. Oui. Et j'ai dit à... T'as profité pour rien faire. Voilà. Et j'ai dit à mon responsable... ça se passe comment? Parce que moi, j'ai perdu une heure de vacances. Quoi? Bah oui, avec le décalage horaire. Oh. Non, avec le décalage horaire, le changement d'heure, j'ai perdu une heure de vacances. Oui, je les ai perdus. Oui, bah alors si vous êtes au courant, on a perdu une heure effectivement ce week-end, mais c'est pas grave parce que comme ça il fait nuit plus tard. Oui, mais j'ai quand même perdu une heure. Ouais. Bah toi au moins t'as des vacances. Oui, voilà. C'est... Moi j'en ai pas avant septembre. Ne teste pas parce que sur une semaine de vacances, elle a perdu une heure. Bah regarde moi, ta soeur, elle a pas de vacances. Mais encore heureux, elle était en vacances pendant un an et demi. Ah, oui, bah en attendant, c'est moi qui trim pour qui le boulot. Moi je ne dis rien parce que je serai en vacances la semaine prochaine. Mais ce week-end, pendant que vous étiez au restaurant, j'étais au restaurant. Voilà. Voilà, alors l'excuse. Ça nous dit non. Enculé. Mais non, mais. Traître. Je te l'avais dit, Amel. Elle me bousille les tympans, elle. Mais pourtant, je suis malade de base. Ah oui, de. Ah bah ça oui, se voit pas. Vraiment de base, quoi. Et je vous ai envoyé quoi comme message? Je vous ai dit, j'y vais mollo. Ouais. Et bah là, on sent qu'elle est au minimum du minimum. Là. Non, mais oui, du coup, t'as été au resto. J'espère que t'as mal bouffé. Non, c'était très bon. J'espère que t'as payé la peau du cul. Un petit pitaya, tu sais. Et que t'as eu une intoxication alimentaire. Ah, c'est bon, ça en bah plus. Bah oui, c'est bon, pitaya. Ouais. Et puis on a bu un coup avant, après on a bu un coup après. Du jus de pamplemousse? Pamplemousse au départ et jus d'abricot après. Je on change. Reste dans le jus, hein. Ouais, mais je change, j'innove, tu vois. Je me suis dit, ah non, pas un deuxième pamplemousse, je vais avoir l'air trop. Comment dire? Pamplemoussé. Trop prévisible, tu vois. Alors j'ai dit, ah! Je vais tenter le jus d'abricot. Allez, ça me tente. L'abricot, c'est l'été, hein. Soyons fous. C'est l'été! Saucisse merguez taboulée. Eh ben, j'ai pas de relance à faire à perso, part c'est que le printemps. Non, pour non, le non. Mais alors, ce soir, les amis, il va falloir un petit peu se calmer parce que je vous emmène à la BNF. Vous connaissez la BNF? Non. Ouais. Ah, moi, je connais le. C'est pas. Un... Non, non. Attends, je peux dire un truc? Oui. Je connais la chaîne BFM. Ah oui, alors ça a rien à voir. La BNF, c'est la Bibliothèque Nationale de France, aussi appelée. Alors non, c'était pas ça que. Ah voilà. Putain, je suis obligé de lui montrer son la travail. La petite musique d'ambiance. La Bibliothèque Nationale de France, aussi appelée Bibliothèque François Mitterrand. Et Roger Dupray, qui est fils de Charles Dupray, célèbre immortel qui est mort, a retrouvé la semaine dernière un ouvrage très intrigant. Là, un immortel qui est mort. Mais oui. Pourquoi immortel, il est mort? Alors les immortels. Je t'explique parce que c'est pour que j'y comprenne la vanne, c'est dommage. Je la comprends au départ. Arrête de nous faire des vannes qu'on comprend jamais. Les immortels sont les gens de l'Académie française, vois-tu. On les appelle les immortels. Mais or, ils meurent comme tout le monde. Vu qu'ils sont tous vieux, évidemment, ils meurent à un moment donné. C'est pour ça que les immortels qui meurent, c'est drôle. Bref, vous allez voir. Y'a que toi qui rigole, hein, ça va, tu te sens pas trop tout oui, seul. Oui, non, ça va. Roger Dupray, donc, parce qu'il a trouvé un ouvrage très intrigant, alors je ne vous en dis pas plus, c'est lui qui va vous expliquer. Ok, je vais mais on simplement y... vous souhaiter une bonne enquête, les amis. Merci. Mais ok, mais on y va de loin, il y a le Covid quand même. Ah. Non, parce qu'il a dit Roger Dupray. Mais non, de loin. Marchons. Bonsoir jeune protagoniste. Bienvenue bonsoir. Dans mon antre, mon refuge, ma caponnière. Ici même, la semaine dernière, j'étais en recherche inexorable de savoir et de substances grises. Quant à l'impromptu, mes yeux errants s'arrêtent sur cet ouvrage intrigant qui après plusieurs jours de décryptage semble bien trop ardu pour mon grand âge. Votre aide sera ainsi précieuse pour en découdre avec ses arcanes, ses secrets et ses bourrimés. Une petite bière? Ça va aller. Bon, bah alors je vous laisse à votre enquête. Alors, d'accord. Bonne enquête! Merci! J'ai rien compris de ce qu'il fallait faire. Comment ça, vous avez rien compris? T'as compris notre but de l'enquête? Putain, moi je l'ai déjà oublié. À part décrypter un livre. Ouais, c'est ça. Bah, apparemment, il a trouvé un livre qui est un peu chelou et. Donc hier, la semaine dernière, on était sur un meurtre et aujourd'hui, on est sur un livre. Ah oui, mais attends, tu sais pas ce que pourquoi ce livre est chelou? Ça se trouve, il y a un truc grave. Ah ouais, ouais, bah oui, oui, ça serait plus intéressant. Il va falloir décrypter le LOL. Il avait l'air un peu choqué par ses trouvailles, ou alors c'est simplement qu'il était vieux. Comment s'appelle le monsieur déjà ? Il s'appelle, on s'en fout un peu, mais il s'appelle Charles Dupré. Non, Roger Dupré, c'est fils de Charles Dupré, pardon. C'est... Roger Dupré. Oui, d'accord. Voilà. Je vais aller le voir de loin. Mais son nom n'a pas trop d'importance pour l'enquête. Par contre, ce qu'il y a dans le livre, plus. Donc je t'as vu, elle sur a essayé de refaire ma blague. Hein. Ouais. J'avais oublié que c'est lourd. C'est lourd. C'est vrai que déjà la première fois c'était pas ouf. Ouais, alors la alors deuxième. La deuxième. Bah, c'est encore doublement pas ouf du coup. Non, mais de toute façon, faut que tu t'occupes là. Ouais. À mon tour. Oui. Ah, oui. Le champ des migraines. Champ des migraines. Et un aspirine. Un. Moi, il m'en faudrait deux. Et non pas le champ des sirènes. Non, mais... Parce que Teddy nous a fait un quiz l'autre fois avec des questions sur la radio, des questions sur Actu Solite. Oh, il a mis le champ des sirènes. Il a dit. Pour une question sur Actu Solite, qui fait le chant des sirènes ? Moi j'ai répondu personne. Bah oui. Le chant des sirènes n'existe pas. Parle contre le chant, vous avez mal à la tête, c'est-à-dire le chant des migraines il existe. Il a fait ça quand ? Il a fait ça dans l'émission radio, ça devait être il y a deux semaines je crois. Okay. La honte ! Je vais l'écouter. Ah la honte, tiens. La teon, ouais. Ouais, on renseigne-toi, arrête de faire ton Jolan. Bah ouais, attends. Il écoute l'émission. Ouais. Gogol. Alors, quel est le principe du chant des migraines ? À part alors... qu'on va avoir mal à la tête. Non, je ne vous donne pas de mots. Je vous donne directement le titre de la chanson. Et on doit chanter comme des... Chanteurs. Chanteurs. Comme des connards. Aux yeux de lumière. Ah non, je pensais... Moi, tu rappelez comme des connards. C'est Gnolo ? Non, c'était Michael Young. Ah bah, on connaît Young. Pas. Redis ? Michael Young. Young. T'as dit Young. Young. Michael Young. Oui, à l'époque, tu sais, dans les années 70 ou 80, il y avait... comme ça. Et ça a été repris dans les années 2000 par... Comme des connards de Michael Young. Voilà. Ok. C'est soit. Pour votre culture personnelle. Soit, on n'a pas besoin... Oh, maman, dis-moi pourquoi. Oui, pourquoi. Je suis né en novembre comme un connard. Bon... C'est pas grave. Hein. Que tu nous la mettes au pire en YOLO là. Oui, oui, on pourrait la mettre en YOLO, effectivement, ouais. Ça serait bien. Ouais, Bon, écoutez, c'est mon tour là. Je vous propose le premier titre de la chanson. Alors on danse. Alors on danse. Oh, attends, nanana, mais attends, nana. J'étais pas prêt. Elle m'a pas les lettres. Alors on danse. Voilà. Qui dit amour dit travail. Qui que divorce dit divorce. Ouais, c'est ça. Et Stromae hein. Stromae. Deuxième. Ouais. Attends, maintenant je suis prêt, vas-y. Deuxième titre, l'envie d'aimer. L'envie d'aimer. Non. Mais si, c'est Céline Dion qui a chanté ça. Non. L'envie d'aimer. L'envie. Attends, ah, l'envie d'en voir envie. Ah non. Ah non. Donne l'envie d'aimer. Oui, c'est, ah ouais, c'est ce sera. Le demain. Mais c'est Garou, non ? À nous. Notre-Dame de Paris. Le Daniel Le Faites que l'amour qu'on aura se donner nous donne envie d'aimer. Je l'avais, hein. C'est Daniel Levy. Ah bon Levy. Levy. Levy. Il le vit bien, lui. C'est lui, au moins, il est pas mort. C'est comme Manu Levy. C'est tout pareil. D'accord, très bien. Bon, alors, elle me fait un point pour moi, Na. Oui, mais il y a un point pour moi. Celle-là, aussi. Elle est facile. Moi Lolita. Moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Et moi Lolita. Autour de moi, hello Elite. Moi Lolita. On l'a fait en même temps. Plus, hein. On l'a fait en même temps. Non, j'étais avec un temps d'avance. Non. Tu rigoles ou quoi? Oh, le menteur. Là, vous êtes à égalité. Égalité. De deux. Il y en a encore ? Il peut pas y avoir deux parce que... Si. Une chacun et une ensemble. Ça fait encore donc, une chacun et une ensemble. Ouais. C'est moi qui viens de comprendre. Quatrième titre, les gars. Comment ? Fille. Les gars, fille. Ah. Non, c'est quatrième titre, là. D'accord. Désenchantée. Je fais partie de la génération désenchantée. Non, c'est pas ça. Oui. Plus je peins, plus j'oublie les anges chantés. Désenchant... Notre société nous fait croire que nous sommes que des cons. En fait, il y a c'est deux... Mylène Farmer, désenchantée. En fait, t'as celle de... Moi, j'avais pas choisi celle-là, mais c'est vrai que t'as celle-là de Kinbe. Oh, et t'as celle-là de... On a dit un chanteur. Et t'as celle-là de Kate Ryan. Mais non, mais il y a désenchantée, c'est un titre de Mylène Farmer. Bah écoute, moi j'ai celle de Kate. Attends. Mylène Farmer, désenchantée. Merci Google. Ah bah voilà, regarde. Je te fais écouter. Je me rappelle plus du rythme, c'est pour ça. Mais hyper connu, Désenchanté de Mylène Farmer. Bah, peut-être que c'est des reprises aussi, hein. Ah non. Oui, hyper connu dans ta génération. Attends, ça c'est en live. Attends, j'avais plus loin. Ah oui, mais en fait, c'est que t'as plusieurs. Je suis génération Désenchanté. Non, mais c'est juste qu'en fait, t'as des reprises, quoi. Il y a Kate Ryan qui l'a repris ainsi que Kinvey, quoi. Bah, Kinvey, il a pas repris Mylène Farmer. C'est pas celle-là qui l'a repris. Mais non. Bah, tu vois, t'as deux chansons. La société nous fait croire que nous sommes que des cons. Des pions, en fait. Il dit des pions. Nous, on dit des cons, mais il dit des pions. Mais les deux sont vrais, apparemment. C'est vrai. Allez, dernière chanson avec dernière danse. Tu peux peut-être égaliser. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et la différence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Il y a aussi Indila. Avec dernière ah danse. Oui, en bas de souffrance, j'aimerais que tu ne te recommences. Bah, je pourrais accepter aussi, hein. Oui. Donc, bah, hé, chez égalité. T'as pas commencé en première, tu sais pourquoi? La première. Parce que quand je parle, t'as parlé en même temps. Et voilà. Prochaine fois, tu te tais. C'est ton problème, ça, Nelly. Tu parles en même temps que les autres. Et j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Insociable, cette meuf. Exactement. Elle est insortable, elle est insupportable. Donc, société, tu mourras pas. Renaud. Ah, putain, le retour de Renaud. Eh oui, toujours. Salut, c'est Chantal. Nous sommes à égalité. Ouais, égalité parfaite, toujours. Et bah, tout le monde a gagné. Ouais, pas de perdants cette émission. Non, jamais. Et par contre, il y aura des perdants tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Pourquoi il y aurait des perdants dans qui veut gagner des millions? Millions. Je peux gagner. Non, c'est question pour un concon. Ah, on va rester sur notre fameux question pour un concon. Oui. C'est la chose que vous attendez la plus au monde le mercredi soir. Ça y est, recommence. Alors moi, c'est la chose que j'attends le plus au monde le mercredi soir, mais surtout entre 21h25 et 21h28. Voilà. Donc, le reste du temps, on fera vite, les gars. On fera vite. Ouais, quoi, on a mais avant ça, on va écouter une petite musique. La grande musique. C'est de la grande musique, madame. Anna Trigual. Trigual. Trigual. Ah, oh, Trigual. Ah, Trigual. Turn, un cover de Etna Swap. Oui, alors, et si je te dis Turn, tu penses à Etna Swap, toi ou pas? Moi, je dis que ça veut dire. Non, non, mais sans parler du titre, est-ce que si je te dis ah, mais ça m'étonne, on a l'air d'un face, on est sans férience, et quand on a l'air d'un chien, on a qu'il y a de fleurs. Bon, tu penses à Nathalie Mbruglia. Quoi? Hein? Non, mais je te dis que tu vas dire oui, c'est Nathalie Mbruglia qui chante ça. Oui, c'est Nathalie Romulien qui chante ça. Voilà, et bah en fait, non. Nathalie Mbruglia, c'est une reprise qu'elle a faite d'Etna Swap, qui est un groupe qui date d'il y a un peu plus longtemps. Et oui, le saviez-vous? Et bah vous le ressortirez à la machine à café demain. Et elle est vachement bien la version d'Etna Swap. Mais là c'est pas Etna Swap du coup qu'on écoute. C'est Anna Trigual. Il s'est perdu. Mais non, mais parce qu'on est en reprise. Mais je disais que déjà Etna Swap c'est... Enfin, oui, enfin bref, bref, on est sur Indestar. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est pas une reprise. On l'avait compris ça. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Salut tout le monde. Je suis Hélène. Ah mais c'est trop bien ça. Ouais! Allez! Ah, nanana, nanana. 1, 2, 3, 4. Il y a une ambiance au studio ce soir! C'est la folie sérieuse! Attends, mais y'a pas les paroles? Ah ouais, attends! Je mets le doigt. Le doigt devant, je mets le doigt derrière. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Je fais le tour de moi-même. Et je vais en avant. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la n'importe quoi. Nanana. On l'a tous, on l'a tous dansé une fois dans sa vie. Eh oui, malheureusement. Nous c'est quoi? La fin en soirée, c'est quoi qu'on a chanté? Qu'on a dansé? Ah, tu mets le doigt. Maintenant, ça c'était celle-là. Les genoux pliés à tchiket tchiket tchiket tchiket tchiket tchiket tchiket tchiket tchiket. Le pouce en l'air, le coude derrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, le cul sorti, la tête en l'air et tu louches. C'est quoi ça? On te fera écouter après. Tu connais pas? Non. Ah, tchik. Attends, c'est quoi? Non, c'est pas celle-là. On te l'a pas écouté ouais, après. Ouais, je connais. Tchik. Parce que sur cette chanson-là, Catherine, la copine à Antoine, est venue danser avec nous. Ah. Tu sais, c'est la fameuse soirée où j'ai dû tout ranger le lendemain parce qu'en plus c'était pas mon anniversaire. Ah, c'était la fameuse anniversaire. Et qu'en plus j'ai dit faire caca, elle a même pas attendu que je j'en déchète pour m'embrasser. Oui. La prochaine fois, tu t'attendras. La prochaine fois, je lui chie à la gueule, ouais. Ou alors il y aura juste pas de. C'est pas très courtois, c'est pas très urbain tout ça. Ouais. Il est venu l'heure de laisser la place à l'animatrice vedette de cette émission. On a, pour info, on n'avait pas dit jusqu'à 28. Il est 27. Ah oui, faut qu'on se grouille. Au revoir. Faut qu'on se grouille. Animatrice vedette de l'émission parce que nous avons une animatrice télé. Animatrice. Une animatrice télé qui fait de la radio et avec des candidats qui veulent gagner des cadeaux. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire? Ouais. Ok, très bien. Alors let's go. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour... Question pour un concon. Qu'est-ce que tu veux, toi, le turicade là-bas, là? Non. Alors, bonjour, bonsoir à tous, on est mercredi soir et comme les mercredis soirs, nous avons... Question pour un concon. Un question de... Concon. Non, de drôlerie. Ah pardon. Des questions de drôlerie et de funitude. Et bien sûr, je suis accompagnée avec mon meilleur acolyte de la soirée, Henri de la régie. Mes hommages, mademoiselle Amélie. Comment vas-tu, Henri? Je vais fort bien. Et vous-même? Je vais fort bien aussi. Oh. Nous avons fort bien... Non, j'allais dire forniqué. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais on va rester un peu calme. Soyons courtois, soyons polis. Et ce soir... Tu voulais y aller doucement. Et ce soir, comme tous les soirs, nous avons... trois nouveaux candidats. Oui. Exactement, je vois une demoiselle. Bonjour demoiselle. Bonsoir. Bonsoir et je vous présente Manon. Elle a 26 ans et c'est une mythomane pro. Attention à ce qu'elle dit, qu'elle arrive à te faire croire qu'elle a rencontré le Père Noël en Laponie. Mais c'est vrai, j'ai même vu les rennes. Et je serais tenté d'y croire. C'était un mâle, le renne. Et nous avons aussi Albert. Albert, vous êtes là? Oui. Bonjour Albert. Bonsoir. Vous faites pas caca, ça résonne. Je crois qu'il est en train de chier, c'est con. Non, je suis dans à manger. Et du coup, Albert, vous êtes alcoolique depuis vos 13 ans et il a trouvé une solution pour arrêter de boire. Son secret, boire un shooter de gel hydroalcoolique 3 fois par jour. Et ça marche très bien. Ça désinfecte en plus, non? Oui. Ah bah, vous n'avez pas eu le Covid alors, mon cher Albert? Ah non, je ne l'ai pas chopé, je sais pas ce que c'est. Nous avons aussi Edouard avec nous. Edouard, vous avez 23 ans. Ouais, 23 ans. Et cool. J'ai 23 ans. Ah oui, je me demandais ce que j'avais écrit. Mais oui, vous êtes encore dans les études pour devenir testeur de tapis pour Chihuahua. Ouais, parce qu'au début, j'étais dans les études pour devenir tapis... Tapitologue. Tapitologue. Oui. Après, le tapis pour Labrador. Et puis après, je me suis remis sur les Chihuahua parce que c'est plus petit, quoi. C'est compliqué, la communication. Oh, ça, c'est une petite déformation au niveau de l'agencive intérieure. Oui, mais faites comme moi, posez-vous des couronnes, c'est génial le truc. Et ce soir, à gagner un oreiller avec nos têtes. Oui. Mais tout... attention, il y a une particularité sur cet oreiller. Il est gravé une des stars. Oui, aussi. Mais il a une poche pour y mettre des capotes. Oh, mais vous avez tout prévu, mademoiselle Amélie. On pense avec vous. Et on si pense je puis vous. Me permettre... Une petite vanne de bon augure, quand vous parliez de couronne, c'est parce que vous êtes une reine. Vous parliez de mettre des couronnes. Vous savez que j'étais voir le Père Noël il n'y a pas longtemps. Ah, on s'en fout. Et bien sûr, on va passer directement à la première manche, je vous vois toutes excitées comme des putes. Alors le principe est simple, je vais vous poser trois questions avec trois propositions de réponses et puis à vous de me donner la bonne réponse en l'écrivant sur l'ardoise. Et bien sûr, vous jouez à question pour un concon. Vous êtes toujours à ton avance. Vous l'avez senti ou pas ce petit nez qui commence à se boucher? J'étais en mode... Oh. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est les affres de l'hiver. Voilà, mais c'est le beau temps aussi, on se fout cul nu la semaine dernière. Jouer, s'il vous plaît, faut que j'aille en Laponie après. Bon. Vous êtes un petit peu rabat-joie. Hein. Le Papa Noël m'attend. Attention. Quel est le nom du premier satellite sur Terre? Petit A, Spoutnik. Petit B, Spoutnik 1. Petit C, Spoutnik Uno. C'est la question qui tue. Est-ce que nos candidats ont la réponse? On va peut-être demander à Albert. Vous avez pris quelle réponse, Albert? Moi, je dis le 1. Pardon, on vous a pas entendu. La A. La A, Spoutnik, tout simplement. Nous avons 3 A. 3 A, et ben non, c'était la B. C'était Spoutnik. Spoutnik. Spoutnik 1. Spoutnik 1. Parce que derrière, il a dû y avoir Spoutnik 2. Mais je pense que le nom couramment utilisé était Spoutnik, tout simplement. Oui, mais là, je vous dis que c'est Spoutnik 1. Oui. Donc, il y a eu plusieurs Spoutnik. Ne soyez pas de mauvaise foi. Non, non, mais pas du tout. Bah, de toute façon, je ne joue oui, pas. Oui, vous ne jouez pas. Franchement, moi, tout joue. Et franchement, c'est Spoutnik, quoi. Il pensait que c'était Spoutnik. Merci. Mais vous nous mitonnez peut-être sur, le, sur sa conversation. On ne sait pas. Gagner. Deuxième question. Combien d'États y a-t-il aux États-Unis? Petit A, 45 États. Petit B, 50 États. Petit C, 55 États. Ça, c'est du cadeau gratuit, ça. Ouais, mais j'ai un doute. Ouais. En fait, c'est que j'aurais dit 56 et il n'y a pas de temps. Alors. Et vous, Albert, vous mettrez combien? 50. Ah, pour vous, il y a 50 États. Alors, nous avons du 55, donc c'est la réponse C, du 55 aussi, deux fois du 55 et une fois du 50. Et Albert avait la bonne réponse, vous il y a 50. La bonne... Mais alors, je me demande s'il n'y en a pas un peu plus maintenant des États, genre 51 ou 52. Ouais, je crois qu'il y en a 51, je crois maintenant. 51, d'accord. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis? Beaucoup. Je vais vous dire ça direct, hein. Bah écoutez, moi j'ai encore 50. Mmh. Faudrait vérifier. Ah non, 52 maintenant. Ah, 52, voilà. Donc, on donc était, mais on y arrive presque au 56. Finalement. Mais à mon époque, quand j'étais fort jeune et fort belle avec fort plein de pustules sur la gueule, il y avait 50 états. Faut si moi... je peux me permettre, je vous trouve très en beauté. Mais attention, j'ai tendance à être un peu mythomane. Rigoto. Ouais. Henri, dites quelque chose. Oui, bah c'était bien joué, il faut le dire. Quel con. Troisième question. Combien de cœurs a une pieuvre? Petit A, 2 cœurs. Petit B, 3 cœurs. Petit C, 4 cœurs. J'hésite entre la A, la B, la C. Ah, bah il y a un cœur qui change. Et c'est pas la vache qui a peut-être 3 ou 4 estomacs ou je sais plus combien? Savez-vous? Je ne le savais pas. Si. Alors j'ai la réponse A deux fois. Oh, et, on a mis la main. Et vous, Albert? Qu'avez-vous mis, Albert? J'ai mis la B. Ah, la B pour Albert. Eh oui, la pieuvre a bien 3 cœurs. Oh c'est là la réponse là, B. Bravo, Albert. On est fort nul. C'était presque un sans faute. C'est presque un sans faute pour vous et un sans bonne réponse pour les autres. Et par contre, vous me gassez les couilles parce qu'à chaque fois, je prévois pas d'autres questions. Ah oui, il va en falloir une supplémentaire pour nos amis. Qui de Manon? Qui ou de... J'ai pas eu retenu son nom. Bah moi, c'est Manon. Non, mais l'autre. Comment il s'appelle là, Albert. L'autre? Non, non, l'autre. Robert. Édouard. Édouard. Moi, je suis Édouard. C'est pas ça. Deux, monsieur. Hein? Oui, alors Édouard, apparemment, il faudrait déjà qu'il arrive à répondre correctement oralement. Au quoi? Ah, oralement. Ouais. J'ai entendu aux Allemands. J'ai pas tilté. Bon, bah alors on va reprendre des anciennes questions. Mais vous, vous vous rappelez jamais de rien, c'est bon. Question 4. Donc, du coup, Albert, vous ne jouez pas. Vous avez compris que vous êtes. Vous êtes... Ah, il a le droit de jouer, hein, de oui, toute façon. C'est très bien. Et quoi, les réponses sont à bulletin secret. Petite question. La taille maximale jamais atteinte par un homme à ce jour est de. Petit A, 2m32. Petit B, 2m76. Petit C, 3m02. Si à chaque fois vous répondez la même réponse. Nous avons du A, nous avons du A. Et c'était du B. C'était. Ça n'avance pas d'un poil, cette histoire. Non, mais à chaque fois. Non, mais arrêtez de mettre comme moi, vous me portez la poisse. Vous aviez le A aussi, mon cher Albert? Non, moi j'aurais plutôt dit C. Ah, carrément, 3m02, ça fait quand même. C'est un peu loin, un peu haut. Alors, cinquième question. Quinzième question. Quelle ville vous accueille tous les ans dans le festival des Francofolies? Ah. Petit A, Angoulême. Petit B, Lorient. Petit C, La Rochelle. J'ai. Nous avons la réponse, la fessée, les Francofolies de La Rochelle, évidemment, oui, bien sûr. Et on va pas y arriver, on va pas y arriver là. C'était bien la réponse C. Ouais, là on cartonne. Peut-être y a-t-il d'autres questions sur, sur l'internet. Oui, bah, j'en ai toujours en stock, heureusement d'ailleurs. Heureusement que je fais bien mon travail. Je le fais pas dire. Est-ce que vous voulez que je meuble? Vas-y, meubler Albert, Roger, Robert. Alors, Edouard. Et Henri, pardon. Henri, évidemment. J'ai oublié son prénom. Mais on pourrait faire meubler pareil. Edouard, allez-y, meubler Edouard. Oui, à moi, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Question numéro 6. Dans quel organe humain la bile est-elle produite? Petit A, le poumon. Petit B, le foie. Petit C, j'en sais rien. Je sais pas. N'importe quoi. Alors. Mais je sais même pas. Oh là là là là là. Nous avons encore une fois la même réponse qui est le foie, la bile du foie. Oui, parce que quand tu vomis, tu peux vomir la bile. Oui, tout simplement. Et puis il était une fois, un petit bonhomme de foie qui se dit ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vais donner foie dans la vie de foie. Ok. J'ai fait des études de biologie, bon, les gars. Septième question. Ah oui, c'est vrai, pas moi. Septième question. Oh, pour moi. Où se trouve la Jordanie par rapport à l'état de la Palestine? Oh non, mais si vous posez des trucs déjà. Petit A à déjà l'ouest. Déjà l'Auvergne, c'est compliqué. Quelque part par là. Petit A à l'ouest. Petit B. Oh, j'ai... Petit B à l'est. Petit C. Petit... Oui, petit C au nord. Ah putain, arrêtez de me faire des trucs comme ça, moi je galère, hein. Ouest, ah, est, nord. Nous n'avons pas la bonne, même réponse pour les deux candidats. Nous avons du B pour Monsieur Edouard et nous avons du C pour Mademoiselle Manon. Et nous avons un vainqueur pour cette deuxième manche. C'est lui. C'est bien Edouard qui passe en deuxième manche. Oh, c'est génial. Question d'ironie. C'est génial. Ouais, tu me demandes où est la France? Je te dis quelque part en Europe. Bon, du coup, on passe directement à la deuxième manche. Et non, attendez. Avant toute Manon, chose, ce soir. Nous remercions Manon d'être venue. Manon, vous repartez absolument sans rien. Brecouille. Non, bah non. Même si vous ne les aviez pas en rentrant. C'est drôle. Allez, ciao. Au revoir. Comment il la dégage? Deuxième manche. Il ne me reste que deux candidats. Et heureusement. Et je vais vous proposer trois questions, mais sans proposition de réponse. Et à vous de me donner la bonne réponse en buzzant. Et bien sûr, vous jouez pour question pour un concon. Henri, vous m'avez fait bugger. Oh, mais je. Vous m'avez fait perdre pas. Deux secondes qui me manquaient pour finir ma phrase. Mais loin s'en fout, mon intention n'était pas celle-ci. Ça ne veut rien dire. Alors, petit buzzage, Henri. Alors, les buzzages, monsieur Edouard. oui, alors vous allez simplement me faire le son que vous voulez parce qu'on va pas en attendre plus de vous. Par contre, monsieur Albert, nous entendez monsieur Albert? Oui. Ouais. Vous allez faire allô. Ok, parce que vous êtes au téléphone, vous voyez le rapport? Allô. Ouais. Ok. Il est lourd. Attention. Pas tant que ça. Première question. 62. En géographie, combien de côtés possède un losange? Allô. Ah oui, mais fallait avant. Pardon. Oui, Albert. 4. Ah oui, bravo. Vous avez dit en géographie? Oui, en géographie. Non, en géométrie. Non, j'ai dit en géométrie. J'ai entendu géographie, moi. C'était la géométrie, mais. Oui, j'ai dit géographie, oui. Merci. Edouard était prêt à écrire sur son ardoise. Ah, c'est moi qui dis géométrie pour désigner la géographie depuis tout à l'heure. Attention, deuxième question. Qui est l'ennemi de Simba dans Le Roi Lion? Non, alors apparemment la candidate sortant a la réponse, mais on s'en fout. Vous pourrez répéter la question. L'ennemi premier de indice, Simba. Premier indice, au pire là vous avez trouvé direct. Ah oui. Allô. Oui. Bourville. Scar. Hein? Scar. Non, c'est un animal que je cherche. Bah fallait le dire plus tôt. Bah. Qui est l'ennemi? Ah oui, je l'ai pas dit. Un animal. Oui. Pumba. Il m'a dit Pumba. Non. Il pas Pumba. La deuxième, la copine d'Antoine a ce deuxième prénom. Ah bah oui, mais c'est facile. Ah. Tu le connais aussi. Bah non. Oui. Il y a une nièce. Oui, mais, c'est ça. Comment il savait, Edouard? Comment il savait? Non, mais... Albert. Et non, l'ennemi de Simba, c'est pas Scar. Bah si, hein. Mais non, c'est lui qui tue plus facile. Fille, son... Mais non. Ah si, Ska, c'est son oncle qui a tué c'est le frère tué de Mufasa. Oui, mais c'était plus avec Mufasa qu'il avait des embrouilles. C'est l'ennemi aussi, hein. Oui, mais c'était plus. Dites-le nous si vous êtes un expert du Roi Lion. Appelez-nous 09 70 407 306. Hein, voilà. Et attention, dernière question. Si je peux me permettre, vous êtes mort. Comme Jolan. Alors, de qui est amoureux Juliette? Roméo. Oui, bravo. Au moins, vous ne partez pas brecouille. Vous partez avec une réponse. Bravo, bravo, Edouard. Edouard, vous ne repartez. Sans rien malheureusement, mais avec quand même le plaisir d'avoir accédé à la deuxième manche. Et sachez que deux manches valent mieux qu'une. C'est valable aussi pour les pulls verts. Allez, à la revoyure. Et nous on va passer directement à la troisième manche. Hein. Alors c'est simple Albert, pour gagner ce magnifique cadeau, tu auras 30 secondes pour deviner le mot qui se cache derrière cette charade. Es-tu prêt? Oui. Ah, t'as mis 3 points à répondre avant que j'ai 10 questions pour un moment. Mais il y a un temps de latence. Hein. Yeah. Attention. Combien de secondes? Peut-être 30 plus 10 gratos. Et non, vu qu'il est au téléphone, il y a un peu de... 10 D'accord. secondes gratuites et je le compterai à la bouche s'il faut. Attention, on commence. Mon premier s'utilise lorsqu'on fait une chose pour la deuxième fois. Ouais. Ah oui, ok. Mon premier s'utilise lorsque l'on fait une chose pour la deuxième fois. Mon deuxième est un nombre entre 5 à 10. Mon tout est utilisé pour cuisiner. Cuisiner. Mon premier s'utilise lorsque l'on fait une chose pour la deuxième fois. Mon deuxième est un nombre entre 5 à 10. Mon tout est utilisé pour cuisiner. 5, 6, 7. Apprécié. 8, 9, c'est terminé! Personne m'avait? Non. Et si je vous dis, mon premier s'utilise lorsque l'on fait. Putain, mais j'arrive pas sur cette première phrase, hein. Mon premier s'utilise lorsque l'on fait une chose pour la deuxième fois, recette! Voilà, mon deuxième est un chiffre, voilà, une recette de cuisine! Ouais, d'accord. T'as pas le premier, c'est mort quoi! C'est vrai que là, le fait qu'il y en ait que deux, s'il nous en manque une, on n'est pas bien! Voilà! Et du coup, bah, on va garder cet oreiller pour nous? Bah oui, l'oreiller ne sera pas pour vous, par contre, vous avez le droit à un bisou à distance, bien entendu! Bisous. Mon cher Albert, on vous fait un gros bisou, des grosses papouilles! Au revoir. Au revoir. Il en veut pas, je crois. À la revoyure. Et merci d'avoir participé au candidat qui était là aujourd'hui. Et nous on se retrouve Henri. Bah non, on se retrouve pas la semaine prochaine Henri, mais dans deux semaines. Dans deux semaines, vous allez manquer mademoiselle Amélie. Hein. Pas moi. Pour de nouvelles questions avec de nouveaux candidats dans Questions pour un concon. Ouais. Et donc moi je ne vais manquer à personne. Comme d'habitude. Vous ne reviendrez mais pas. Trop de méchanceté, ça fait mal. Juste après on va essayer de décrypter ce petit livre que un ouvrage qui était retrouvé au fond de plein d'autres ouvrages dans la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Mais que se cache-t-il dans cet ouvrage? Mais avant ça, on va écouter This is the Kit. Actu Solite, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Ça va pas, hein? Mais non, c'est la fin du jingle. Elle fait wouh. Ah bon? Remets le jingle. Actu Solite, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Tu vois, ça vient pas de moi. Ah ouais, faut vraiment écouter. Je le connais, hein. C'est le pas aussi fort, hein. Bah si. Non. Moi aussi. Non, t'as un petit wouh de loin. Okay, wouh. T'as vu ta grande gueule que t'as? Ouais, ça va. Espèce de dinosaure. Oui, ça va. Ça va, toi, franchement. Regarde, il ressemble à un dinosaure avec ses petites dents là. Eh oui, toujours. Parce que je suis plus vieux dans cette émission, je suis le plus sage. Ouais, alors là, c'est pas dit, hein. Il y a que moi qui devrais aller dans une bibliothèque ce soir, et pourtant, c'est vous qui en avez cet honneur. Vous allez dans la plus grande bibliothèque de France. Je sais pas si c'est vraiment un honneur pour nous, mais... Quand même, tu vas apprendre des trucs. Mais on est payé pour ça, donc... Je te le dis, tu vas apprendre des trucs, il y a des livres déjà. Ah oui. Ouvre-en, hein. C'est quoi, ça? T'as vu la publi de Facebook, ce qu'ils disaient? Ils t'ont démonté. Non. Ah, ils t'ont démonté sur la publi Facebook. Attends. Pourquoi, moi? Bah, je sais pas. Alors déjà, t'avais ta gueule. Non. Donc ça n'aide pas. Ça se fait pas. Ah bah, si. C'est réaliste. Ah bah si, regarde, moi. Attends, je remets la publication. En plus, j'ai changé depuis. Bah, pas tant que ça, hein. Ah. Mais si, j'ai changé de lunettes et t'as pris 6 kilos. C'est pas faux. Donc, il y a Amel, à côté d'une bibliothèque, hein, sur la publication Facebook, à rejoindre de toute urgence sur la page Facebook. J'attends le commentaire du genre, quoi, c'est lire. Des allées, des ouvrages et surtout un mystère à résoudre. Amel osera-t-elle ouvrir un livre? Réponse ce soir. Mais attends, une tacle aussi. Sur une des stars. Tout le monde a kiffé. Je l'avais vu. Alors, oui, toi, en fait, j'aurais même pas dû venir ici. Bah, si on ne me respecte pas. On aurait été que deux sinon. Et ça a été compliqué. Enfin, bref, là, le vieux nous a donné son bouquin et je sais pas trop ce qu'on va en faire. Hein. Ouais, il y a un bouquin apparemment un peu mystérieux qui fait que. Bah oui, il y a des choses mystérieuses à l'intérieur. Bon, allez. D'ailleurs, si je peux proposer. On peut se poser dans un coin où il y a une table et on peut essayer de trouver des indices. D'ailleurs, le comble de comble, il y a une machine à café sous le cadre du monsieur, là-bas. C'est François Mitterrand, le monsieur, Anaïs. Un peu de cultivation. Ah. Ah. Ah. Excusez-moi, monsieur François Mitterrand. Et je sais pas si t'as vu, mais il y a des marque-pages aux endroits intéressants. Genre la page 24, ça a l'air d'être des rébus. Ouais, mais je te rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça, on a bien galéré d'ailleurs. Ouais, mais là on va gérer sa mère. Ah, j'essaie de faire ma gueudin. Putain, m'envoie pas des. Hein. Bon, allez, faut qu'on laisse. Allez. Là, on a une note de musique avec un calendrier. Donc. Calendrier, on peut dire que ça propose une date. Oui, donc la date. La date, nous avons ensuite. Nous avons un nez. Donc forcément, donc, la date nez. Nala, d'accord. Après, on a un truc de chien pâle. Il y a marqué pâle dessus, et sachant qu'il y a un enfant qui est en train. Je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide. Il y a un enfant qui pleure à côté, et donc je suppose que. Pas l'heure tri... Non, moi j'aurais dit. Ouin, ouin. Tu vois, pas loin. La date n'est pas loin. Nous avons une première phrase. Oui, donc on a le même rebut que tout à l'heure. Rébut. Donc c'est là. Après, on a une terre, donc je pense que c'est à la terre. Là, on dirait. Feu. Du feu. Feu Anaïs. Non. On a une image de rat. Bah, feu rat. Feu Anaïs. Feu rat. Avec du sang. Du sang qui coule. Avec nous. Fera sans nous. Sans nous. Oui, c'était dit avec nous. La terre donc fera sans nous. Oh, la date n'est pas loin. La terre sera sans nous. Fera sans nous. D'accord. Or. Or. F. Au revoir. Au revoir, lunette. Ah, au revoir. Or. F. Voir. Donc en fait, ça donne. Au revoir. La date n'est pas loin. La terre fera sans nous. Au revoir. La date n'est pas loin. Ça veut dire que genre c'est bientôt. Ah oui, si la date c'est n'est pas moins... loin. Non. Débile.com. Et donc ils feront sans nous. Bon alors pardon. C'est pas si souvent qu'on bat aussi vite. Vous avez réussi à... C'était quoi l'idée là? Un rebut. Un rébut. Ouais, c'est toi qu'on va mettre au rebut. C'est périmé bientôt. Ok, vous avez trouvé des indices alors? Et bah que la date n'est pas loin. Ouais. Et bon. Que la terre fera sans nous. Aïe. Et au revoir. C'est important de le okay, lire. Ok, bon bah on le note, vous le notez à quelque part, comme ça vous sortirez tous les indices à la fin. Parce que je rappelle qu'il y a quand même un ouvrage avec un mystère à l'intérieur, mais que se cache-t-il à l'intérieur? Nous n'avons pas tardé à le savoir, vous avez jusqu'à 23h pour y répondre et vous pouvez aider nos actus solides en nous appelant 09 70 407 306. Si, ils peuvent nous aider. T'es pas. Moi je dirais. Pas pour. Je suis en train de me dégonfler. Moi je dirais 23h15. Ouais. Ah, parce qu'on va... Dépasser. On va dépasser. Tiens, en parlant de dégonfler, j'ai crevé. Pas moi. J'ai pas dégonflé, moi. Par contre, je suis crevé. J'ai crevé pour la deuxième fois en deux mois. Ah, oh, vache. Encore une vis dans mon pneu. Pas trop dur. C'était pas la même voiture, mais c'était encore une vis dans le pneu. Ah, tu sais que d'ailleurs, en parlant de ça, mon papa, il a commencé le déménagement de la maison. D'accord, on va écouter de la musique. Et... Non, j'ai pas fini. Et il a démonté un meuble qui passait pas dans sa voiture. Et puis justement, il ramasse les vis par terre, il fait, ce serait con que quelqu'un se crève. Bah c'était moi, ce quelqu'un. Non, parce que c'était des petites vis, il a dit, aucun problème, aucun danger de crevage. De crevaison. De crevage. Mais vas-y. Oh là là là là. On va... Que va-t-on on faire va de... se remettre à niveau intellectuellement. Ouais. Mais ouais, parce que juste à... Bon, je sais pas si c'est trop mettre à niveau intellectuellement, mais ce soir, en faire tout un théo. Ah oui, mais avec des mots de Jolan. Donc en fait, quelque part, c'est un en faire tout un Jolan animé par Théo. Mieux, quoi. Non, j'en sais rien, ça serait les mêmes mots. Va falloir qu'on fasse notre. Et je vais me faire un propre jingle, c'est cool. Non, c'est nous. Tu vas fermer ta gueule. Et vous allez pas me faire le même rythme par contre. Moi, je veux un truc. Ils chantent pas en même temps que nous. Non, c'est vrai qu'ils chantent jamais. Ils chantent jamais. Et puis après, il y a moi avec le Dico Dingo. Mais avant ça, on écoute Chromeo. Ouais. Green Light. Et c'est un remix de Lord. Ah oui. Tu te rappelles de Lord? I wanna see the dollars. Ah, Lord de Voldemort. Ah oui, ok. On est sur Indestar, les gars. Moving. Actu solide sur Indestar. Ah, on est de retour. Ah, on n'était pas parti. Non, mais on est de retour. Pourquoi on est de retour? Pour vous jouer un mauvais tour. C'est oui. Ce que j'allais dire. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Oui, bah c'est bon, hein. J'ai joueur ce soir. Non, t'es chiant ce soir. Ouais, c'est non, je rigole. Bon, c'est que tu solides, c'est une des stars. Tous les mercredis soirs, on fait quoi? Globalement, je veux dire. On joue. Globalement, on joue. Globalement, on s'amuse. Des généralement, c'est sans pression. Ouais, c'est vrai que c'est sans pression. On est là pour passer un bon moment. Ouais. Et bien sûr, vous pouvez partager ce bon moment avec nous. Oui. Alors, tout simplement en écoutant la radio. Mais là, on écoute en direct. Mais oui. Imagine, on n'écoute pas en direct. Et bah, il y a les podcasts. Imagine, on dort là. Parce qu'on a passé une mauvaise nuit, tu vois. L'enculé. Non, mais imagine. Oui, tu vois, attends. Imagine, tu ne travailles pas. T'as fait une nuit blanche. Et t'es fatigué. Oui. Eh ben, je peux réécouter cette émission en podcast. Voilà. Et pour cela, eh ben, tu vas sur podcast. Sur indestar.fr. Bien sûr, on a aussi Spotify, Deezer. Mais là, il est 22h. Je m'attendais à cette blague. Et toutes les autres plateformes de podcast, bien évidemment. Oui. Voilà. Et bien sûr. Et vous pouvez mettre sur pause quand vous en avez marre et reprendre plus tard. Mais à quel moment tu mets pause? Je veux dire, à quel moment t'en as marre de nous? À tout le temps. Bah, on casse un peu les oreilles, non? Amélie commence à gueuler, à c'est parler, vrai, à chanter. Vrai, c'est vrai. Elle. Bon, quand vous voulez, hein. Oui, bah, on vous attend. Ah, mais non! Mais c'est parce que c'est parti pour. Enfer tout un théo. Ah non, c'est. Enfer tout un! Maintenant, on a dit que vous avez. Et vous avez dit. Vous ferez pas le même jingle que pour Jolan. Bah, c'est toi qui t'as dit. Ah, vous m'avez promis un. Ah, okay. Oui, mais vous m'avez promis un rythme différent, je suis désolé. Hein. Ah non, moi je veux pas le même jingle, sinon je fais pas. Théo va nous faire des expressions à la con. Si, qu'on va devoir deviner. Ou deviner le son. Bon, alors je pense que je vais passer directement à ma rubrique parce que votre jingle était pourri. Franchement, je suis déçu. Hein. Attends. Ah, je m'attendais à mieux. Attends. Ah, tu veux attends. Retourner. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure des expressions. Jouez de avec Théo nous ce soir. C'est une nouveauté. Théo anime Enfer tout un. Jolan. Théo. Non, c'est Jolan qui le fait de base. Théo. Et Théo dort pas. C'est marrant parce qu'on a eu un florilège de tous les artistes français décédés là. J'ai cru entendre du Johnny Hallyday, j'ai cru entendre du Barbara, du Edith Piaf à l'intérieur. Bref, c'est comme une boule de Théo. Oh non, elle est pas morte, boule Corinne Charby. Mais alors. Oh, je sais. Théo, lave-toi. Fais-nous tes expressions. C'est l'heure de jouer ensemble. J'aime bien. Allez, vous allez rattraper. Alors, qu'est-ce que en faire tout un Jolan normalement animé ce soir par Théo? Je vais vous donner quelques expressions pour commencer. Il va falloir deviner le sens de cette expression. Et pour terminer, j'aurai une expression à compléter. C'est-à-dire que je donnerai le début à vous de deviner la fin. Ouais. Alors, si je vous dis, évidemment, vous pouvez jouer à la maison. Rire comme un bossu. Ça veut dire quoi? Bah, être mort de rire. Rire à s'en plier le dos. Ouais. Genre être mort de rire, mais genre être plié. Et t'es plié. Avoir mal aux côtes. Être plié en quatre. Voilà. Ouais, c'est ça, ce tordo de rire, hein, les bossus ayant le dos tordu. Hein, c'est normal. Donc, l'analogie est tout naturelle, nous a marqué Jolan. Ça vient tout naturellement de lui, ça. Origine, l'expression, apparue au 19e siècle, fait simplement référence à sa locution. D'accord. Locution. Donc, c'est le fait de parler. Oui, c'est rire aux éclats, quoi, tout simplement. Rire comme un bossu. Je ris très fort. Chose qu'on fait régulièrement dans cette émission. Oui. Voilà. Pas pour tout le monde, je précise. Ah bah, c'est important. Il y en a qui rient, il y en a qui rient pas. Acheter un chat en poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne la connaissais pas, celle-là. Acheter un chat en poche. Ouais. Avoir de l'argent sur soi. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'argent? Non. Bah, tu prends ton chat, tu le fous dans ta poche pour le promener. Enfin, si, ça a à voir avec l'argent parce qu'il y a acheté. Mais... Moi, j'aurais dit être riche. Non. T'as pas un indice? Un indice, ça n'a rien à voir avec le chat. C'était quoi déjà l'expression? Acheter un chat en poche. Acheter un chat en poche. Mmh. Mais c'est acheter quelque chose et le mettre dans son cabas. Bah non, c'est trop simple. Hein. Alors, le mot d'origine poche au 15e siècle désigne un sac, effectivement. Bah oui. Mais acheter un chat en poche, je suis pas sûr que ça va vous aider ça. Pensez pas au sac. Et au chat? Pensez à, vous faites un achat, d'accord? Vous faites un achat. Comme le chat. Qu'est-ce que. Quand vous faites un achat, est-ce que. Quelles sont les choses dans le processus que vous faites avant d'acheter? On les choisit, on met dans, alors, dans le caddie. Tu les choisis. On met dans le caddie. Donc ça veut dire que tu. Choisis quelque chose. Ouais, donc tu le choisis. Tu réfléchis. Tu réfléchis, tu. À l'utilité. Alors tu réfléchis à l'utilité et est-ce que tu regardes bien. Enfin, en principe, tu regardes bien l'objet que tu choisis. D'accord, donc tu vérifies ton objet. Tu vérifies qu'il corresponde à ce que tu as envie qu'il soit. Oui. On est d'accord. Donc là, je vous ai donné suffisamment d'indices. Vous êtes dans cette voie-là. Bah, tu réfléchis à prendre quelque chose. Donc là, justement, ça serait le contraire. Tu réfléchis pas. Tu prends un truc à la Wallagen Beast of Life. Ouais, et c'est exactement ça. En fait, tu achètes un chat en poche, ça veut dire que tu achètes quelque chose sans vérifier l'objet de la vente. Limite, tu achètes n'importe quoi, quoi. Oui. Et puis après, tu regrettes en arrivant à la maison, tu fais. Oh, c'est comme quand, quand t'achètes sur Amazon et qu'au final, tu te retrouves avec un pantalon pourrave, pas du tout de la même. Ouais, parce que t'as pas fait gaffe. Ou alors, c'est parce que c'était la description était nulle. C'est l'un ou l'autre. Surtout sur AliExpress ou sur Wish. Un jour, sur Amazon, je me suis dit, vas-y, je vais acheter un pantalon. C'est un pantalon miniature. Ça ressemblait à un leggings, le bordel. Ah merde. On est loin du gym, quoi. Je l'avais payé 7 balles. Hein. C'est moins cher, c'est ça. Alors, situation, nous dit Jolan, se dit d'un petit enfant qui aurait acheté un téléphone sur Le Bon Coin sans vérifier s'il fonctionnait. Oh oui, c'est une situation. Maintenant, sur Le Bon Coin, c'est compliqué d'acheter un téléphone pour vérifier s'il fonctionne. Ah, il faut... Là, faut aller sur place et puis tu regardes s'il fonctionne. S'il fonctionne, tu gardes. Ou alors le renvoyer, auquel cas. Parce que s'il est marqué fonctionnel, c'est qu'il doit être fonctionnel. Sinon... C'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel. Mais non, mais sinon c'est de la vente abusée, c'est surtout ça. Alors, l'expression suivante, je vous fais deviner la suite. Vous l'avez compris, bavard comme une truie. Ah, t'es pas loin. Enfin, une pie. Ah oui, je suis con. Bah, bravo, vous l'aviez. Bah oui. J'ai même pas pu vous donner. Mais c'était facile en même temps. Bon, alors ça veut dire quoi, bavard comme une. Tu fais que de parler. Ça, c'est toi, ça. Ouais, c'est ça. Si on te laisse l'antenne à la radio, tu fais l'émission tout seul. T'en fais partie aussi des bavardages, hein, excuse-moi. Hein. Oui, parce que quand on est au téléphone avec Théo, ça dure 2 heures. Et c'est toi qui parles. Non, aussi. C'est toi, généralement. Mais moi, quand il m'appelle, généralement, c'est pour dire. Vous avez pas oublié de manger avec moi ce midi? Non, c'était la semaine prochaine. C'est sans changement de date, oui, j'avoue. Très bon d'ailleurs, ce que tu nous avais préparé. C'était un espèce de sandwich là, avec du pain de. De la noix, du poulet. Ouais, mis à part les noix, c'était. Je m'en rappelle plus. Une salade. Mais si, ça avait pété. Un burger quoi. Une sorte de burger, mais tiens, en pâte à. Un truc à kebab, là, une sorte de truc à kebab. Et t'avais mis des petits trucs de patates à côté. Oh. J'étais tellement généreux. Mais oui, j'avais rajouté des noix pour encore plus de générosité. On avait la dalle, il était 14 heures. T'en as pas voulu. Non, j'aime pas les noix. Bah. Bon, bravo. Bravo pour ça. Merci. Heureusement, la troisième, normalement, il y avait bavard comme une pie, il fallait simplement trouver la signification. Donc, ça aurait été rapide. Ouais. Oui. Bon, là, c'était un tout petit peu plus lent, mais là, vous avez été quand même aussi, fort. Hein. Mais bah, je vous avoue que, comme vous, je ne connaissais pas l'expression t'as acheter dit, un chat en poche. T'as dit une truie? Hein? Bavard comme une truie? Non. Ah oui, elle a dit truie au départ. Moi, j'ai dit bavard comme une truie. Et j'ai dit pas loin parce que ça ressemblait dans la. Ouais, dans la. Mais ça n'a rien à voir une truie. Mais après, j'étais là en mode cochonne. Bavard comme une cochonne. Non, c'est autre chose. Bah, c'est à moi. Ouais, c'est à toi, ouais. Le dico dingo. C'est le dico dingo. C'est le dico dingo. Le dico dingo. Non, ouf, ouf. Le dico dingo. Le dico dingo. Ouf, ouf. C'est le dico. Iseo. Dingo. Tu veux pas le faire Santiano, avec moi? Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. D'ailleurs, on l'avait repris cette musique sur Actu Solide l'année dernière. C'était pas une réussite. J'ai demandé à la lune. Aussi. J'ai demandé à une des stars. On avait aussi repris cette chanson. C'est moi qui l'avais écrite cette musique. Ça n'était pas une réussite non plus. Mais c'était écrit, pas mal. Tu l'avais chanté de façon. J'ai écrit. Et alors, la semaine prochaine, nous avons écrit une phrase d'une chanson. Peut-être y aura-t-il. Oui, mais la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Ah oui, ça sera la semaine d'après. Ah, on a 2 semaines. On a 2 semaines. Waouh, on est riche. riche de temps. On est large. Et comme vous savez, le Dico Dingo, hein, on reprend sur le Dico Dingo. Hein. Oui, le Dico Dingo, le Dico Dingo. Je vous dis un mot, à vous de deviner à quoi correspond ce mot-là. Et bien sûr, vous aurez au maximum 3 indices. D'accord, la définition du mot. Voilà. Okay. Premier mot. Ébaudir. Ébaudir. Alors, quand t'as beau dire quelque chose, ça vient du latin ébaudinam, qui veut dire ébaudiner. Ébaudiner. Ah, j'ébaudine souvent moi. Ouais. Ouais, moi je suis le matin, tu vois, je me sens un peu boudiné. Moi c'est après plutôt... manger, t'as l'impression que je suis enceinte de 8 mois. Je suis un peu boudiné. Et tout à l'heure, il mange son Ferrero Rocher. Mm-hmm. Tu m'en as même pas laissé toi, bâtard. Non, mais j'étais qu'un. Et genre, je le regarde, j'étais pas réussi, mais il était comme ça. Trop tard. Ouais, mais si tu dis il était comme ça, les gens qui nous écoutent. Bah, comme ça. Il était bouche bée. Il nous voye. Ah, bah attends. Il nous voye. Vous êtes sur Twitch, vas-y, regarde, vas-y. Comme ça, genre, il commence à prendre là son. Ou Ferrero Rocher. Et là, je lui dis, mais t'es pas au régime. Ouais. Il me sort. Donc, il te sort rien. Il me sort rien. Merci, ça va. Alors, vous voulez peut-être un premier indice? Alors, vas-y. Oui. Bouleversé. Ah, je suis baudiné. Ah, c'est ébaudir. Ébaudir. Ah oui, ébaudir, c'est un petit peu la stupeur. C'est le bouleversement. Mélancolique. Non, pas du tout. Non, non, pour moi, c'est de la surprise, quoi. C'est, je suis. Oui, c'est ça en plus, bâtard. Bah ouais, je sais. C'est être étonné grandement. Grandement étonné. Oh! Oh, oh my god! Oh my... Mais quel est-il ce petit efface tableau? On appelle ça. Un effaceur. L'effaceur. Ah, on appelle ça un effaceur? Oui. Mais c'est facile, hein. Deuxième mot, acanier. Acanier. Acanier. Oh, c'est un arbre ça. Il y a le bananier, l'acanier et le cerisier. Oui, puis qui fait de l'acajou. Exactement. C'est comme ça que vous avez acanou, pardon. Acanou, new, new. C'est un banané, moule café. Est-ce que c'est un animal? Non. Bon. Non. Non, un acanou, c'est. Un verbe? Non. Un objet? Un acanou. Un truc de cuisine? C'est un métier. Acanier, pas acanier. Il est perdu entre ses phrases. Anacanier, c'est un instrument de musique. Putain, mais c'est ce que j'allais dire, t'es relou, hein. C'est un instrument de cuisine. Phrase. Non. C'est un instrument de. Premier indice, hein, c'est pas mal aussi. Sexuel. Méchant. C'était quoi le problème? Ah, je suis un acanier, c'est. C'est quand t'es énervé? Non. C'est... Non, non, non, ça n'a rien à voir, c'est un ennemi. C'est un ennemi, c'est un acanier, on dit. C'est ça? Pas forcément. Ah merde. T'es, ça, le bluff, t'es fois, pas loin, mais deuxième indice, harcèlement. Ah bah ouais, c'est. Oui, bah c'est un harceleur quoi, du coup. Non. C'est une personne qui. Une personne qui apprécie humilier les autres. C'est à peu près ça. Bah, et mon troisième indice, c'est mauvaise personne. Oui, bah alors, l'indice de merde. Ah, c'est un homme qui est pas bien. Oui. C'est. C'est, pas bon. C'est poursuivre quelqu'un en l'injuriant comme un chien qui aboie. Ah d'accord, ouais, non, c'était c'est pas exactement méchant bon, avec les ouais, gens quoi. Ça je te dis c'est pas exactement ça. Ça ouais. Bon d'accord, on l'avait pas alors. Ouais. Soit. Troisième mot, bilvaisé. Ah, c'est un toilette. Bilvaisé. B-I-2-L-E-V-E-S-E-E. Je suis bilvaisé aujourd'hui. C'est comme si j'étais bouleversé, sauf que c'est encore pire. Non, je suis bilvaisé. Mon premier indice, c'est comme Anaïs, MDR. Oh, ça veut rien dire. Qui n'a pas de rapport sexuel. Non. Pourquoi tu penses tout de suite à ça? Parce que dès qu'on fait la remarque, c'est par rapport à ça. Ça pourrait être simplement que le fait que tu sois une femme. Deuxième indice. Bah, elle aurait dit comme moi. Bah ouais, mais comme toi aussi. Deuxième indice. Oui. Sans imagination. Je suis pas créative. C'est ne pas avoir de créativité. Oui, bah c'est exactement ce qu'elle a dit. Hein. Mm. Mais non, c'est pas ça. Bilvaisé. M'appelle pas Jolade, moi, je dis pas les réponses dans les indices. Bilvaisé. Alors, c'est moi, mais j'ai pas d'imagination. Alors, attends, c'était quoi le deuxième indice? C'est ne pas avoir d'imagination? Ouais. Ne pas avoir d'imagination. Alors, bilvaisé. Et le troisième indice? Oui, c'est être, comment dire, le syndrome de la page blanche, de pas avoir d'inspiration. D'être, tu vois, d'être face à la non-créativité. Je suis là, je suis bilvaisé. Je suis bouleversé d'ailleurs d'être bilvaisé parce que je n'arrive pas à créer quelque chose. Tu es ébaudi d'être d'être bilvaisé. En fait, je sais pas trop genre si c'est vraiment ça. Je peux te dire la définition ou pas? Ah bah vas-y, donne. En gros, la définition c'est parole vide de sens, idée creuse. Du coup non. Ah, idée creuse. Ah ouais. Bah c'est ça, idée creuse. Ah non, je pense que c'est dans le plus dans le la façon de dire les choses, c'est-à-dire que si je te donne une explication, mais que en fait cette explication elle n'aboutit à rien. Et comme je suis en train de faire. Ouais, grave. Exactement, c'est. Tu rames, hein, mon vieux. C'est ramé, en fait. Voilà. Mais je le prends mal. J'avoue. J'ai mis parole vide de sang. J'ai fait Anaïs. Mais non, parce que c'est ce non. Mais tu sais, je vois vraiment quelqu'un qui t'explique quelque chose et du coup, ça n'a aucun intérêt. Ça va, tu veux pas un thé ou quelque chose comme ça, toi, vu comment t'es installé, très grand de dame, très pas chassé, très araignée. Une autre lettre, si possible. Une quoi? Une autre lettre que un thé. Je veux un I, je veux un J, veux je veux une un H B, je veux une H. Un Q. Plusieurs. Déposez votre candidature au 06. Non mais ça part un peu trop loin là, mais oui. Juste après. Oh, on vous l'a pas dit ça. Si, on vous l'a dit, on vous a teasé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a teasé? Ah oui. Ce soir. Ouais, on va recevoir des personnalités, oui, enfantines. Oui. De bas âge. Oui. Mais pas de bas étage. Non. Des petites surnoms qui vont venir dans le studio. Et je crois que, parce que vous m'avez dit que vous aviez un projet dans la salle d'enregistrement pour enregistrer la musique dans deux semaines. Donc vous devez aller partir, ouais, enregistrer. Et moi, je vais me retrouver seul avec ces fillettes. C'est ça. Oui, on a réussi à trouver nos sosies jumelles. Ah mince. Mais bien sûr, elles sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus petites, par ah, contre. Ah bon, donc ça n'a rien à voir avec vous, et finalement. Un peu plus mince. Oui, mais nous avons nos sosies jumelles. Elles s'appellent pareil que nous, presque. C'est vrai? Comment? Mini Mélie et Mini Naïs. Ah oui, effectivement, ça... Donc, il y a eu une belle ressemblance. Voilà. Avec le fait qu'elle soit petite et mais le fait qu'elle soit jumelle. Mais juste avant, on écoute Romain Huguetto. Oh, Huguetto. On s'attache. On s'attache. Un cover de Christophe Maé. Et on s'en prend la zone. Ah, ça, c'est toute mon enfance. Avec une flèche. Qui nous empoisonne. On part. C'est pas empoisonne? Non, peut-être. Ah, mais elle nous coupe! Mais c'était pas marqué! C'est pas moi! Oui! Elle est où l'intro là? Moi je me suis dit, y'en a pas! Bah de toute façon, trop tard! Bisous! Elle est où l'intro? Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Indestar. Quand on fait du BDSM, on s'attache. Bonjour! Oui. Ah, ils sont déjà là, pardon. Bonjour. Entrez les enfants, entrez. Alors, vous êtes sur Indestar, vous êtes dans Actu Solide jusqu'à 23h minimum. Et alors là, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous accueillons ce soir sur Indestar des petites starlettes. Elles ont 5 ans et elles vont s'installer pour la toute première fois derrière un micro. Je demande d'applaudir, mesdames, messieurs, chez vous, comme il se doit, nos petites stars du jour, à savoir Mini et Amel. Je sais plus. Et Mini Mali et Mini Naïs. Et Mini Naïs. Il m'appelle Mini. Installez-vous, mesdemoiselles. Prenez votre micro tranquillement. Micro, j'ai trop de tête. Alors attendez, je vais vous descendre votre micro. Merci. Voilà, tout va bien. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. C'est votre première radio ce soir. Non. Oui ou non? Oui, de la soirée, oui. Ah. Mais sinon, on a été faire au moins 10 radios cette semaine. Oui. D'accord. Bon. Bah c'est ça d'être connu. Oui. Enfin, je pensais que Indestar, c'est là où tout commençait. Bah et non. A priori, pas pour vous. Et alors, bah non. Que faites-vous dans la vie? Vous êtes à l'école? Vous êtes dans quelle classe? Pouf! L'école! On a déjà passé notre master, nous! Mais ça fait bien longtemps! Ah, vous c'est-à-dire que vous avez déjà le bac et vous êtes en études supérieures déjà à votre âge? On l'a déjà eu! D'accord, très bien. On travaille? Ça me semble normal. Moi, j'ai une fille de 16 ans qui le passe l'année prochaine, mais bon, très bien. Je peux lui donner des cours. Oui, non, mais ça ira. Des cours de maths, moi, ça me connaît. Ah, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Parce que vous faites des études, c'est bien, mais vous. On veut tout savoir! Ah, on aime la matière grise. L'intégralité de l'univers. Tout! D'accord, très bien. Mais vous faites des études dans jusqu'à quel domaine? Jusqu'à ton anatomie! La mienne? Non! Oui. On va attendre un peu. Ah, vous faites quoi dans le comme études en ce moment? On a arrêté. Ah, vous avez terminé les études? Bah attends, ça fait 5 ans qu'on trime. Oui, parce qu'ils ne sont pas. On est sorti de la foufounette de ma maman. Ah oui, d'accord. Déjà? Je vois que vous connaissez le corps humain. On était en train de passer le brevet. Très bien. Là, vous êtes vraiment effectivement des ce qu'on appelle des surdoués. Est-ce que vous avez fait un test de quotient intellectuel de QI? Oui. Ouais, et alors? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Comment? Ça dépasse les... au moins sur 40. Ah ouais, c'est pas mal, j'avoue. Et puis moi, j'étais à 160. Ah oui, quand même. 3. 3? J'ai une devinette pour vous. Oui, allez-y. Est-ce que vous savez c'est quoi le nombre le plus grand? le nombre le plus grand. À ne pas confondre avec le chiffre le plus grand, qui est le 9. Le nombre le plus grand, bah, je ne sais pas si on le connaît. Eh ben, moi non plus. Ça reste encore à définir. Ah oui, bah voilà. Mais on a jamais réussi à compter jusqu'au bout. Mais elle est nulle. Mais c'est son niveau. Et moi, est-ce que vous savez d'ailleurs que le petit chien du monde est un chihuahua qui mesure 6,53 cm. Alors non, comme d'habitude. Mais oui, mais c'est facile. Je vous en prie, mesdemoiselles. Alors, mais c'est facile. Oui, bah c'est facile, pas si facile. Moi, que je l'ai ça. Appris, j'avais 3 ans. Peut-être que certains personnes qui nous écoutent ne le savaient pas. 6,5 cm, effectivement, c'est très peu. Et est-ce que vous savez que la clitomane. La clitomane. Oh là là. Oh là là, ça se mélange dans ma tête. Oui, je vois ça, mais c'est normal à votre âge. Hein. Alors. Est-ce que. Ah, les fous rires, c'est normal, c'est la jeunesse. Hein. Il faut qu'elle grandisse, ces petites Est-ce filles. Que vous savez que la clitomanie. C'est. Le... Ouais, c'est compliqué. Est-ce que je peux vous poser des questions, moi, sinon C'est le désir accru de rester au lit toute la journée. D'accord. Non, mais ça s'est passé aussi, t'as l'impression qu'on a une cul de mouche. Mais... Non, mais calmez-vous, mesdemoiselles, calmez-vous. Et que tu sais que, par exemple, que la hauteur de la tour elle peut varier de 4 cm selon la température. Oh, mesdemoiselles, on se calme. Mais je savais, est-ce que tu sais que les courbatures, ça peut être sous la jambe en mangeant de la pastèque. On n'entend rien. Et les moutons qui pratiquent l'auto-méditation, et alors qu'ils sont malades. Ils chantent le rassemblement. Écoutez-moi des plantes, bonne pour elle. Sortez-les, c'est infernal, on ne s'y retrouve plus, vous n'entendez plus rien, vous avez plus d'oreilles. Est-ce que tu savais que le prénom Wendy était... C'est une chose que nous... Esprit pour le lit, s'il vous plaît. Parce qu'il y a 2000 personnes. S'il vous plaît, je veux plus vous entendre. Vous êtes punis dans le coin. Allez, c'est ça, c'est votre âge. Vous n'avez pas eu de punition. Vous allez dans le coin, c'est terminé. C'est terminé, je suis désolé, mais vous n'êtes pas prêt pour les interviews radio. Comme quoi, vous avez encore des choses à apprendre. Voilà. Bon, ceci, maintenant que j'ai assis mon autorité. Mon autorité, c'est ça. Parentale. Il nous manque un peu de jargon. Nous allons écouter de la musique pour me remettre de mes émotions. Parce que sinon, moi, je les débaffe. Hein. C'est comme Ulysse. En attendant, ça. Les dauphins, ils dorment, ils nagent debout. Les dauphins nagent debout? Oui. Mais j'en ai rien à foutre. Et tu savais qu'il y a... J'en ai rien à battre. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est écouter de la bonne musique sur Indestar. Je suis sûr que c'est ce que vous avez envie de faire aussi. Must be loved. Ah non, c'est les cachalots qui dorment debout. Sur Indestar. Et juste après, il y a une enquête. Et là, on est sérieux. Parce que dans cette émission, on a des choses à vous raconter. On a des histoires à vous raconter aussi. Et une enquête à résoudre. Alors restez là, c'est Actu Soleil, c'est Indestar. Et est-ce que vous savez que... Lit sur Indestar. Ah, Lit sur Indestar. On a pas eu le début. Actu Solite sur Indestar. Ah ouais. Ah ouais, ça veut dire un peu plus quelque chose. Voilà. Ouais. Et parce que Hit. Il y a pas une chanson à ce moment-là. Non, c'est celle d'après. Ah bon? Bah, apparemment. Bon, très bien. Alors, ce soir sur Indestar, comme tous les mercredis soirs d'ailleurs, à peu près à cette. Mais attends, on est où là? Parce que... Non, on est là. Ah bah oui, c'est pour ça. Allez, monsieur est perdu. Mais oui, c'est pour ça. Non, mais moi aussi, j'étais perdu. J'étais là en mode, mais attends, on n'a pas fait le jeu du recto verso, oui. Là. Mais moi, c'est plus rapide parce que je l'ai sous les yeux, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, on rappelle un petit peu le synopsis. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous savez que nos enquêteurs ou nos enquêteuses ont une mission chaque semaine. Ils doivent résoudre une enquête. Alors, des fois, l'autre fois, c'était un meurtre qu'il fallait résoudre. Il fallait trouver le coupable, l'arme du crime, la raison aussi. Et là... On ne sait pas trop ce qui se passe, mais dans la grande bibliothèque François Mitterrand qui est à Paris, que vous connaissez peut-être hein, si vous êtes dans le coin, il y a un ouvrage, donc un livre, qui a été retrouvé au fin fond d'autres étagères par un monsieur qui est quand même un fils d'académicien, donc il connaît un peu son job, sauf que là il est tombé face à un livre qui l'a intrigué et qui est rempli de mystères. Donc ce soir, l'idée, c'est d'aller résoudre ces mystères avec nos enquêteurs. Donc vous êtes que deux à devoir résoudre le mystère du livre. Oui. Exactement. Équipe réduite. Voilà. Quoi ? Équipe réduite, on est que deux ce soir. Ah. D'ailleurs, ouvre ta page. À l'école. Page 87. Y'a pas quelque chose qui te chagrine ? Moi je vois que les mots sont remplacés par des chiffres. Tu l'as vu ? Oui. Mais attends, y'a un post-it de Roger. Et Roger, c'est Roger Dupré. Roger Dupré, on voit pas de loin. Et c'est marqué que peut-être la musique nous aiguillera. Ouais, et je sais pas si t'as vu, mais là-bas, il y a une machine. Genre, n'oubliez pas les paroles. On peut y aller, s'il te plaît. Je ne vois pas ce que ça va nous apporter. Mais bon, vas-y, on tente. C'est un jukebox. Moi, j'aime bien. Hein. Et on va rentrer, du coup, le numéro du livre. On va voir ce que ça donne. D'accord. Bon, t'es prête? Vas-y. Premier extrait. Parfois, je les décide encore, elle fait partie. partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Du coup, le premier mot, je pense que... C'est la chanson qu'on a eue pour le chant des migraines. Incroyable. Danse. Deuxième extrait, t'es prête? Oui. Go. On est comme des tarbés. Jackbox, Jackbox. Allez, viens, viens, je t'emmène au vent. Facile, franchement. Facile. Qui donnait? Tout le monde connaît. Suivante. Louise attaque. Vive. Non, non, c'est une souris verte. Ah, tu tiens par la tienne. Tiens, tu me tiens, je te tiens. Moi, je croyais que c'était une souris verte de base, la musique. Suivante. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement un samedi soir sur la terre. Samedi soir sur la terre. Ça me paraît logique. Je connaissais pas trop. Bah, je connais pas non plus. Est-ce qu'on peut en faire un dernier? Un tout dernier alors. Mais le numéro 4. C'est le 5. Non, c'est le 4. Y'a pas de raccourci, oublie tes soucis. Oh oh oh oh oh oh. R. R. R. Allez, allez, allez, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Fil de magic in the air. Donc, si je comprends bien, si on refait après le. Si on remet les mots qui correspondent aux chiffres. Alors, c'est les arbres dansent et les maisons flottent. Le vent virevolte. Virevolte. Virevolte. Et entre les mondes et marées, plus rien ne tient à la surface de la terre. Tout le monde s'envoie en l'air. Okay. Et eh ben ça a l'air d'être ça. Je viens d'écouter là, je viens d'arriver. Et les arbres dansent et les maisons flottent. Le vent virevolte et entraîne monts et marées. Plus rien ne tire la surface de la terre. Tout le monde s'en va en l'air. Et tout ça sans regarder les mots. Et ça, rien qu'avec vos compétences en blind test. Bravo. Merci. Vous n'avez pas Francis Cabrel? Non, la... Oh, la non, j'avais pas. Francis c'était laquelle? Cabrel. C'était laquelle? C'était ça la. Samedi soir sur la terre. Attendez, je la remets. Pas la peine que je précise. D'où pas la peine que je précise. D'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement un samedi soir sur la terre. Non, tu vois, je connaissais non, pas des masses. Hein. Et par contre, la dernière, qu'est-ce qu'on connaît? Oh, on l'a remis, tiens. Y'a pas d'autre souci pour oublier tes amis. Je peux aussi oublier. R. Ok, très bien. Et bah, c'est bien parce que vous avez, pour l'instant, j'ai l'impression, tous les indices. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de garçon pour réussir. Et comme quoi, si t'en aimes la CDI, ça fait garçon. CDD. Non, ça fait garcon. Garcon, si t'enlèves la CDI, ça fait garcon. Garcon, ma fille, garocon. Garocon, garocon, qui mettent la CDI. C'était Coxy. Et juste après, raconte-moi une histoire. Cette fois-ci, on y est. On va vous raconter des histoires. Mais avant, on a de la musique. On a je DJ. Vais en profiter. Quoi? DJ. Quoi? DJ. Quoi? Je crois qu'on l'a fait à chaque fois cette vanne. What do you want? What do you want? Bah, qu'est-ce que tu veux? I want pisser maintenant, now. No. Sur Indestar. Actu solide tous les mercredis de 21h à 23h sur Indestar. Alors vous savez que dans un mois à peine, quelques deux semaines genre, on va voter. Ouais. Pour les présidentielles. Ah ouais. Et là c'est une musique présidentielle pour les campagnes de 1981. C'était pour Jacques Chirac. Ouais. Votons Jacques Chirac. Voilà, voilà. Bah vous pouvez voter Jacques Chirac, mais je suis pas sûr que... Il sera réélu. Je suis pas sûr qu'il sera réélu. C'est, on se moque pas des morts, c'est mauvais. C'est toi qui as commencé. Oui, bah c'est oui. Vrai, c'est vrai. Non mais tu remarqueras qu'on a plus ce genre de musique maintenant pour les élections présidentielles. Votons Macron. Ouais, c'est, on pourrait faire des jeux de mots et tout. Ce serait marrant. Non, je sais pas. Je vous trouvez ça ringard ou vous trouvez ça fun? Fun. Ça peut être fun si c'est bien fait. Ouais. Ringard si c'est. Ouais, j'avoue. Toi. Ouais, il faut que ça soit. Oui. Attends, ah, il faut que ce soit entraînant, plutôt ouais. Entraînant. Plutôt et là, c'est entraînant, là, tu vois. Et une magic in the air, tu vois, un truc comme ça. Bon. Et surtout, à vous rappeler que si vous ne voulez pas voter, votez au moins blanc. Ouais, exactement. Parce c'est que... mieux que de ne pas voter. Oui. Et puis, le premier tour, vous avez forcément encore. Moi, j'ai perdu ma carte électorale. Oh non. Bah, si. Et tu les faut la refaire. Bah, faut que j'aille à la mairie, non? Oui. Bah, faut grouille-toi. Ouais. Parce que tu dis aux gens de voter. Mais non, mais au pire, je crois qu'elle est dans mon bureau. Mais dans mon bureau, c'est un. Des fous de loi. Du bordel, là. Ouais. Ouais. Mais cherche un petit peu. Mais, non, mais votez au moins au premier tour. Après, je sais pas. Mais au moins, vas-y, vous pourrez pas prochaine, dire. J'ai ah pas non, voté. Pas l'année prochaine. On verra ce que. Je suis pas d'accord. Dans 5 ans. Ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Mais l'avenir, sachez qu'on peut le définir. Oui, et nous, on peut définir notre avenir du raconte-moi une histoire. Ouais, alors c'est le moment où on a des histoires, mais elles sont soit vraies, soit fausses. Et c'est à vous de discerner le vrai du faux. C'est comme avec les candidats à la présidentielle. Par rapport à ce qu'ils vous disent, vous discernez le vrai du faux. Ok, qui commence? Moi. Alors vas-y. Dans un vol à Dubaï, Tirana, en Albanie. Quoi? Dans un vol d'avion. Oui. Qui fait Dubaï et Tirana. Donc, ah oui, donc, il va de Dubaï en Albanie jusque. Oui, ok. Donc, il y a un enfant qui n'arrêtait pas de pleurer dans les bras de son papa. Mm-hmm. Il était inconsolable. Donc, les gens assis à côté de lui essayaient de le distraire. Merci. Mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est là qu'il y a un groupe de gars qui a commencé à chanter Daddy Shark Daddy Shark. Tu vois. Il n'a pas chanté Vote Jacques. Non, non. Et tout le monde a suivi. Ils étaient tous dans l'avion en train de chanter. Baby Shark. Baby Shark. Alors, je connais pas cette chanson. Baby Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Est-ce que le pilote... Mami Shark. Mami Shark. Mami Shark. Mami Shark. Ok, ok, ça a peut-être allé. Est-ce que le pilote chantait aussi? Bah, ils sont à part les pilotes. Oui, mais est-ce que bah ils devaient entendre le raffut? Est-ce que dans le parleur, votre si votre commandant de bord et c'est tac tadore tac tadore tac tadore tac baby tac tadou dou dou dou dou baby tac tadou dou dou dou dou baby tac tadou dou dou baby tac. Tu connais pas cette musique là? Sachez que nous allons maintenant nous exploser en mer. Non, je connais pas. Tel un requin. Oui, parce que shark. Ah oui, shark c'est les requins. Ouais, c'est-à-dire bébé requin. Ouais. Bébé requin. Après, c'est papa requin, après, c'est maman requin. Ouais. Et après, il y a peut-être la grand-mamie shark. Très bien. Ok, donc ça n'a pas marché. Non. Pourquoi? Oui, et c'est tout? Bah, si, ça a marché. Ah, ça a marché. Moi, après, l'enfant dans les bras de son papa, il était comme ça en mode. Il regardait partout. Mm-hmm. Parce qu'il regardait les gens chanter. Moi, je dirais que ça peut être vrai. Moi, je pense que c'est faux. Et bah, c'est vrai. Oh, mais... C'est une vidéo TikTok qui a été posée, mais c'était début mars, je crois. Ouais. Et 7 millions de vues. À moi. J'ai pas TikTok. À moi. TikTok, pas TikTok. En 2017, un homme fan de Jason Segel. Si vous savez pas ce que c'est, qui c'est Jason Segel, il a joué dans Oh, I Meet Your Mother. Uh-huh. Ah non, par contre, je connais Jason Statham. Et moi, je connais Jacques Segel. Et moi, je connais Steven Segel. Oui, c'est Steven Seagal peut-être qui te voulait dire. Non, Jacques Seguela, c'est le mec de la pub. Si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Je connais Jackie Chan. Oui. Oui, bah c'est bon, on va pas aller plus loin. Et du coup, il décide de se lancer un pari fou. Oui. Son pari consiste à manger une photo de son idole, un peu tous les jours, mais en se filmant sur internet, jusqu'à ce que l'acteur accepte d'en manger une avec lui. C'est complètement con. Hein. Oui, mais il y a des gens comme ça. Et l'homme a tenu un an avant d'abandonner son projet. Au bout d'un an, il s'est dit marre de chier de la photo, tu vois. Ah, je comprends. Marre de chier mon idole. Mais, un an, je chie holographique. Non mais. J'ai des reflets. Wow. Il est pas mort déjà, c'est bien. Oui, mais il a bouffé quoi. Ouais. Ah, déjà, ça me dégoûte. Rien que quand je pense. Vous êtes pas comme moi quand vous pensez à manger du sopalin, ça vous dégoûte. Mais pourquoi mais tu veux bouffer du sopalin? Moi, ça m'arrive rarement de penser à manger du sopalin. Moi, tout le temps, dès que je touche du sopalin, je suis là en mode. Donc. Et là, c'est pareil. Je ne sais pas quoi répondre. Ça me dégoûte les dents. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous savez pourquoi, du coup, elle est en train d'animer Question pour un concon? Elle est aussi con que les candidats. Les questions. Les questions aussi. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Moi, je dis vrai. Je me demande si j'ai pas entendu vrai parler. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Je me demande si je n'ai pas entendu parler, moi. J'en ai une qui n'est pas de moi, qui est de Jojo la Frite. On savait déjà. Et vous saviez déjà, certainement. C'était des flics. Que les chiens savaient parfaitement reconnaître les expressions de nos visages. Tu le savais, Amel, toi qui as des chiens ? Oui. Bon, bah voilà. Et tu sais que quand tu leur parles et qu'ils tournent la tête comme ça, c'est pour mieux te voir. Ou c'est pour détourner le saviez-vous ? Ah oui. Le saviez-vous ? Eh bien, sachez que les chevaux peuvent parfaitement décrypter nos expressions du visage également. On dit qu'ils sont capables de se rappeler si vous avez souri ou si vous avez froncé les sourcils à un moment donné et qu'ils l'ont vu. La chèvre aussi peut le faire, sachez-le. C'est ce qu'a révélé une étude en 2016, une étude anglaise. Bah, j'ai deux chèvres chez moi et à part me regarder comme une conne, c'est tout. Et ben peut-être que, selon cette histoire, elle sait. On a observé le comportement de 20 chèvres. Face à des images de visage humain, elles étaient dans un enclos, libérées de tout espace. On leur faisait voir le visage d'une femme, puis d'un homme, sur deux grandes photos. L'une où la personne avait une, trois petits points, parce que j'ai pas la suite de l'histoire. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai créé l'histoire, je vous avoue. Regardez, il n'y a pas la suite. Voilà, Jolan a fait. Il n'y a pas la réponse non plus. On peut dire qu'il fait les choses à moitié. D'après vous, est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est moi, fausse ? Moi, je dis vrai. Vrai. C'est faux. Alors peut-être qu'il n'avait pas l'inspiration pour la suite. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On a raison. Bon, bah voilà. Mais après, tu vois, par exemple, oh, un truc drôle, Anaïs. Quand j'étais en vacances la semaine dernière, je lui ai dit, viens chez moi, on va promener les chiens. Au final, on a fait de la paille. Tu vois, parce que on n'a pas promené les chiens. Parce qu'en fait, mon copain a une bonne idée de mettre 35 bottes de paille sur une remorque côté chèvre. Donc forcément, les chèvres, elles font quoi ? Elles montent dessus. Sauf que la paille, elle s'éclate de partout. Ouais. Alors du coup, on a 35 bottes de paille à ramasser qui sont tout d'été. Ouais. Voilà. Et elle m'a aidée, en fait, Anaïs a peur de mes chèvres. Ah oh bah. Alors qu'elles font pas mal à une mouche. Non, pas tout le temps. Alors, à un bout d'un moment, la chèvre a couru un peu vers Anaïs, je sais plus, pour jouer. Et je fais, attention, elle est là ! Tu l'aurais vu courir. Genre. Mais tu sais pourquoi elle t'aime pas, les chèvres ? Parce que t'as une évision. Parce qu'elle se rappelle de la dernière fois où t'as froncé les sourcils. D'ailleurs, non, mais non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire, c'est parce que je pense que c'était vrai. J'ai pensé à vrai. Parce que je me suis dit que les chevaux, ils savent quand t'as peur. Donc je me suis dit pourquoi pas ils retiennent quand t'as faciès. Ah ouais, ok. Donc en fait suivant ton expression faciale, ils se disent là il faut avoir peur. Non, ils ressentent quand t'as peur. Ouais, mais ils ressentent peut-être grâce aussi au trait du visage. Je sais pas. Peut-être que si on est. Non, au comportement. Tu sais que quand tu stresses, t'as tendance à plus bouger ou. Oui. Enne. Ah ouais. Non mais t'as raison. Bah ça. Ouais. Ok. Enne. Enne. Non là c'est quand ils ressentent quand t'es débile là. C'est autre chose. En parlant de ça, de d'intelligence plutôt, il va vous en falloir de la dextérité et encore un petit peu de comment dire. Ouais gros. Un petit peu de ouais gros dans un instant pour découvrir tous les indices du livre qui se cache dans le livre qu'a découvert notre bonhomme. Mais avant ça. Oui, mais avant ça quoi ? On va écouter Mazambo. Music sound better with you. Music and sound matter matter with you. Bah oui, on connaît tous. Remixé donc par Mozambo sur Indestar. Ça fait un peu le Mozambique, mais il y a juste le Mozambo. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. Eh oui, c'est nous, Actu solide. On est là, on est là, on est content. Ça braille dans cette émission, ça braille. Tout le temps. Elle avait pas dit, je suis malade, je vais doucement aujourd'hui. C'est comme si t'étais aveugle, ça braille. Dégage. Oui. Sors. C'est vrai que ça méritait pas, j'avoue. Non, c'était méchant. Mais non, c'est pas méchant, mais il faut rire de tout. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, comme on dit. Oui. Actu solide Indestar, mercredi soir, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. C'est le moment où on fait rien, les amis. Ah oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous appeler, qui a essayé de nous appeler sur. Il y a 20 minutes à peu près. 19 minutes. Ah, 19 non, minutes, il y a eu la musique entre temps, ouais. Donc. Une vingtaine de minutes. Et... Arrête de t'étouffer, toi. Pardon, pardon. Malencontreusement, il y avait le micro qui cache l'écran, donc je ne vois rien. Oui, donc si vous avez appelé au 09 70 407 306. Rappelez, s'il vous plaît. Je suis désolé. Mais quand on a monté le son. J'ai monté la tranche du téléphone, donc appelez, je vous entendrai. Si je réponds pas, rappelez encore une fois. Il faut insister avec Anaïs. C'est vous avez encore facile, à peu près 20 minutes. Ouais. Pas tout le temps. Enfin, sauf le temps où vous allez aller à la bibliothèque municipale, non, nationale même, François Mitterrand, qui est à Paris, où, dans cette bibliothèque, il y a un monsieur qui s'appelle. André. Roger, je crois. Roger Dupré. Roger Dupré. Ah oui. Roger Dupré a trouvé un livre, voilà, qui était caché. Et en ouvrant ce livre et en le lisant, il a trouvé qu'il y avait des choses un peu bizarres dans ce livre-là. Alors, il ne sait pas exactement quoi, Et vu qu'il est un petit peu vieux et un petit peu sénile, il vous a demandé de décrypter les différents messages pour savoir si ce qui était dans ce livre était quelque chose d'intéressant et qui va changer notre futur, ou si c'était totalement un truc bite. En gros, c'est ça. Donc, rendez-vous à la bibliothèque, vous repartez, et vous avez encore certainement un indice à trouver. Oui. C'est bordé, mon kiki. Bon, ce serait bien de trouver quelqu'un ici, sinon on va pas y arriver, là. Hein. Oh, parle moins fort, il y en a qui lisent. Et alors ? Moi, je parle. Je leur ai pas demandé de lire moins fort. Bon, on peut toujours demander au monsieur là-bas, là, qui est en bleu. Oh ! On dirait docteur Bactéry ! Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonsoir. On se connaît. Vous êtes les Indestars, mais c'est ça ? Mais oui. Alors, je sais pas vous, mais moi, je viens régulièrement ici pour asseoir ma position dominante sur le monde scientifique. Et vous ? Pareil. Ça m'étonne pas. Bon, et puisque vous êtes là, vous allez pouvoir m'aider dans mes calculs. D'accord ? C'est un plaisir. Alors, vous êtes prêts ? Prenez une ardoise pour noter, mademoiselle machine, là. Amélie. Alors, oui, c'est ça, Amélie. Alors, j'ai une circonférence de 4 plus 22 plus 6 moins 3. Ça donne quoi ? Ça donne 1, 2, 1. Ok, je divise par 2. On tire 6. 30. Ça donne. Tiens, alors, 4 plus 22 plus 6 moins 3. J'ai bien dit. Alors. Ça fait 30. Vas-y, moins 3. C'est ça. C'est égal, c'est 29. Attends. Bon, il faut être sûr de vous, hein. 32. Alors, 29. Alors, 29, d'accord. Je multiplie les tangentes par l'hypoténuse de la 6B, comme le taureau d'à côté, et je mesure le segment sur le rayon du diamètre. On est à 32 moins 20 divisé par 2. Alors, ça donne quoi ? 32 moins 20 6. Divisé par 2. Ok. Alors, il s'agit maintenant plus qu'à calculer tout bêtement le facteur de l'équation du produit pour obtenir la somme du quotient intellectuel du dénominateur commun. Alors, ça donne 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1000 plus 1000 plus 15 plus 3 moins 1. Alors. 2022. Ah là là, 2022. Ah, oh, ça serait. Ça, ah bah super. Alors, j'ai à peine fini de noter les. Ça donne quoi ? Le 29 juin 2022. D'accord. Alors, 29-6-2022. Super, ça c'est un pas de plus pour mes avancées scientifiques et ma prochaine expérience qui va consister tout simplement à savoir si en combinant du sang et de l'urine, on obtient une orange et un abonnement téléphonique. Un rapport à France Télécom, bien sûr. Allez, à bientôt sur votre radio et comme le dit le célèbre dicton que je viens d'inventer, si vous ne croyez pas en la science, croyez en moi. Allez, bonne celle-là. Allez, salut à l'arbeille, hein. Salut, bactéries. Oui, vous saviez que votre 4 fois 6, oh là là, c'est trop de circonférences dans la tête. C'est assez compliqué. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller revoir votre monsieur Dupré, là. Pour lui donner, tout ce qu'il faut. Anaïs, marche moins fort, là, avec tes talons, c'est infernal. Bah, j'ai pas de basket. Bonjour. Bah, re. Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de lire un ouvrage. Enfin, alors, mes compatriotes, avez-vous su décoder ces messages alambiqués ? Oui, oui. Alors, vous avez quoi ? Alors, le premier, c'est... La date n'est pas loin, la Terre fera sans nous, au revoir. Ok. Le deuxième, Anaïs, qu'on a trouvé. Les arbres dansent et les maisons flottent. Le vent virevolte et entraîne monts et marées. Plus rien ne tient à la surface de la Terre. Tout le monde s'envoie en l'air. Et on a une date le 29 juin 2022. Vous avez une date le 26... C'est la fin du monde. Mais oui. Mais la fin du monde serait dans 3 mois. Mais attendez, j'ai de ma mémé. Mais c'est terrible. Dites-vous que vous avez 3 mois pour faire tout ce que vous voulez. Bah moi ça suffit pour moi, mais pour vos générations futures là. Mais ils auront pas le temps. Oh là là là là, c'est terrible, c'est terrible. Ils seront pas immortels. Attendez. À moins que. Mais oui. Mais j'y suis, c'est pas du tout ça. Le 29 juin 2022, c'est exactement le jour des 35 ans d'Anna Free. Mais oui. Évidemment. Après relecture, il s'agirait plutôt d'une grande fête organisée pour l'événement. Oh, mais quel soulagement, mes amis! Nous ne serons pas morts le 29 juin 2022. Bah là, du coup, je regrette un peu la mort. Donc là, on a fait tout ça pour les 30 ans d'Anna Free. Les 35 ans d'Anna Free, Ah non, mais vous savez que mon cœur palpitant retrouve son rythme apaisé. Faitons ça ensemble, une petite bière. Non, c'est vrai. Oh là là, je me sens tout soulagé là. J'ai eu comme un ascenseur émotif, comprenez. Et ce fut la victoire. Nos musiques de victoire, elles donnent vraiment envie de pleurer. Hein. C'est encore de une. De base, c'est une musique de victoire. Alors, il est vraiment phénoménal. La la la la la la la la la. C'est encore une belle victoire des Actus Solides. Donc, vous n'avez pas sauvé apparemment le monde contre la fin du monde, mais par contre, vous savez que ce livre mystérieux, recelé d'un trésor, un trésor inestimable, il contenait la date d'anniversaire d'Anna Fri. Qu'est-ce que je kiffe avoir ce trésor. Voilà. Non mais fallait déconner parce que ça aurait pu être la fin du monde. Hein, on sait jamais. Surtout par les temps qui courent. On pensait que la fin des mondes, frère. Ils nous balancent l'anniversaire d'Anna Fri. Non mais on sait jamais, tu vois. Il y a en ce moment entre le Covid, la guerre, le machin, tu vois, on a besoin de légèreté. Et là, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer, mais non. Tout simplement, on va faire la fête le 29 juin. Vous avez toute votre vie pour faire les trucs, du coup. Et vous avez toute votre vie pour réécouter ces émissions, mais vous pouvez le faire dès ce soir, même dès demain. Vous allez pouvoir écouter cette émission Actu Solide sur toutes les plateformes et de podcast. Et à la personne qui nous a appelé, vous avez plus que 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. On se dépêche, s'il encore vous plaît. Pardon au petit monsieur ou petite dame qui nous a appelé. Bah oui, on est désolé. Mais on va pleurer toute la nuit. On n'a pas assez décroché. La dépression. Et en plus, on pourra même pas le faire la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on est en vacances. On est en vacances. Ce sont les vacances Indestar. Ouais, parce que moi, j'en ai pas. Hein. Bah non, mais dis-toi que t'as quand même un petit peu des vacances grâce à nous. T'as un mercredi soir. J'ai économisé 80 km d'essence. Grâce à... C'est déjà ça que le temps qui court. Et c'est ça, parce qu'on n'a pas parlé de l'essence qui augmente aussi, mais ça fait partie du jeu. en tous les cas, oui, la semaine prochaine, donc pas d'émission, mais par contre, vous avez... Les podcasts, pour vous faire plaisir, et de la bonne musique à écouter toute la semaine. Demain soir... Que se passe-t-il? Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas fini encore mais cette non, semaine. Mais encore la semaine. Bah oui. PK Avengers, ils sont vraiment trop beaux. Alors demain, je vous annonce que dans cette émission de PK Avengers, il y aura Mariotte. Mariotte, c'est une artiste pop rock. Yes. Ça me fait penser à Mercotte. D'accord. Celle qui est dans la pâtisserie là. Non, je connais pas. Voilà. J'ai pas la ref. Tu regardes pas. C'est pas la télé. Non, moi ça me fait penser à Marie. Ôte tes vêtements. Tu dirais dans une pièce de théâtre. Marie, ôtez vos vêtements, que je ne m'en déplaise. Ça veut rien dire. Donc, demain, Mariotte qui sera notre invitée dans les studios d'Indestar, live, chanson, vie de Mariotte, tout ça avec elle. Et vendredi, peut-être une surprise, peut-être une émission sur la bouffe. Parce que vous aimez la bouffe, on aime la bouffe, et on va kiffer la bouffe. Donc, restez à l'affût. À l'affût, c'est bien ça. L'affût. Merci. Très bien. Et nous, on est de retour. Je vais vous donner la date exacte du retour. Ah oui, donne cette date exacte. Alors. Que nous puissions regarder de l'avant afin de compter le nombre de jours qui nous séparent à ce jour qui commencera. Inès Goûté, c'est pas ça. Resto grand-mère. Et n'oubliez pas, on revient avec une chanson. Merci, Amélie. Ah, c'est pas une ça. Chanson. Que me chantait ma maman. Le mercredi 13 avril, là, nous serons de retour. Ouh, heureusement que c'est pas un vendredi, sinon je serais pas venue. Hein. Ah, genre t'es superstitieuse. Oui. C'est vrai, à chaque non. fois, la dernière fois, il m'est arrivé une couille avec ma voiture. Oui, mais il t'arrive toujours des couilles avec ta voiture. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis? Parce que tu nous as envoyé des petits messages là cette semaine. J'avais plus de ventilation. Il y avait... Non, ça c'était la semaine dernière. Ah pardon. Cette semaine, c'était les lumières du tableau de bord. Je ne vois plus à combien je roule. Est-ce grave en ces temps où il y a quasiment pas de radar? Non, parce que je sais que quand je suis à 2000 tours, je suis à 70 km/h. Ah bah voilà, tu as un compteur, un contour. À 2500 tours. Non, juste 2500 tours. Oui. Je suis à 90 km/h. Ah bah voilà, tu vois. Et entre les deux, c'est 80. Tu possèdes une version haut de gamme avec un compteur. Ouais, bah je préférais voir à combien je roule. C'est vrai qu'il y a à choisir entre le compteur et le compteur de vitesse. Je me fais prendre à 100 km/h et vous avez pas vu que vous roulez trop vite? Bah non, je l'ai pas vu. J'étais qu'à 3500. Mon compteur il m'a dit 2000 tours, alors c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Ouais, mais bon, bah à réparer. Non. Ou tu mets une lampe devant. Comme ça, non, ce que je fais, c'est que j'allume ma lumière, tu sais, quand le plafonnier. La porte, c'est ça, t'as une lumière. Oui. Bah, je l'allume et j'essaye de regarder vite fait. Et ouais, mais c'est pas ah, ouf, oui, c'est parce juste que... la poupoule qui est. Ouais, c'est l'ampoule. Ouais, c'est juste l'ampoule, ouais. Mais la lumière du plafonnier, du coup, quand c'est la nuit, tu vois moins dehors. Hein. C'est pas ouf. Si t'allumes la lumière à l'intérieur. Ah oui, mais elle le met juste 30 secondes histoire bah, de voir. Juste pas, pour vérifier la vitesse. Achète une frontale et appuie dessus. Non, mais le mec qui est derrière, il voit Tu sais, je vois la lumière qui s'appelle et qui s'allume, qui s'éteint. C'est un SOS, je suis touché. C'est Indy là, ça. Ouais. Un tu message ça, SOS. Bah oui, c'est l'album d'Indila. Ouais. Je connais tout l'album d'Indila. Tous les cris, les SOS. Rien à voir. Partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Oh. Oh. Et du coup, tu sais, j'avais pas de lumière dans mon tableau de bord. Enfin, je viens de voir qu'il faut que j'aille mettre de l'essence. En plus. Je suis presque sur la réserve. Oh, c'est rien, c'est juste oh, un petit putain, 150 ça euros. Ça va te niquer ta semaine, toi. Ah, bah oui, tu vois ce qui vient recevoir ton salaire. Ah non, même pas encore. Mais là, c'est moi. Dans deux semaines. Dans deux bah semaines. Bah voilà, donne-moi ton fric. Moi, j'ai reçu mon salaire. Mais non, moi, je l'ai que. Bah donne-le-nous, moi. Ah, j'ai déjà dépensé vachement beaucoup au garage. Vachement beaucoup. Ah. C'est une chanson, ça. Les Inconnus. Merci. Ah, c'est quoi ça déjà? C'est un toi que je extrême. T'aime. Vachement beaucoup. Voilà. Emma. Ça c'est mais on a envie de chanter, ouais, ça, là. Mais je... Alors d'accord, on a envie de chanter. Non, pas la guitare. Non, non, pas la guitare. Non, pas la guitare. Non. Au secours, il est parti chercher la guitare. Au secours, nous allons mourir. Il est temps de partir, les gens. Mettez vos écouteurs. Non, baissez le son, baissez le volume. Ah putain. Non. Au secours. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une ambiance un petit peu love? Allez go. Est-ce que tu peux me mettre un tout petit peu de reverb, s'il te plaît? Je suis chiant. Tu me fais un son rond et tu mets un peu de reverb. C'est quoi un son rond? Non, c'est la question qu'on a posée à Teddy. Enfin, un chanteur qui était venu avait dit à Teddy, est-ce que tu peux me faire un son rond? Teddy, il voyait pas trop ce que c'était le son rond. Et c'est quoi? Un son rond, c'est un son qui est... on sent de la bonne présence, en fait. Tu vois, tu as un... Je sais pas si on s'appuie sur un bouton. Ça fait pas amateur. Si, sur le bouton d'en haut. Tu l'as? Vas-y. Et pourquoi amateur? Un, deux, un, deux. Parce que tu entends quand c'est un truc qui est fait bah, amateur. Y a pas, hein. Alors, attends. J'arrive. On est vraiment pas doués. Non, il faut qu'ils m'apprennent les ficelles. Les réverbes. Bah, tu m'as dit d'appuyer, j'ai appuyé, il y avait rien. Ça marche, là non. Non. Ah, pas. Attention, nous testons. Ah. Ah non, t'as enlevé. Ah non, c'est bon. Ah, c'est pas mal. Ah, ça tient quelque chose. Alors, ah oui, c'est bien ça. Ah, tu kiffes là, hein. Ouais. Salope. Ah, on a l'appel. Ah, comment je fais? Sur le fil du rasoir. Attends, tu me parles. Attends, on va décrocher, hein. Allô. Allô. C'est quoi? Bah, c'est nous. On va décrocher, hein. Ah, mais il y a un temps de retard. Oui, bonsoir. Ah, faudrait couper la radio derrière, hein, par contre, hein. Bah, c'est nous. On va décrocher ça. Mais on s'entend en double, c'est en fait. C'est déstabilisant. C'est hyper déstabilisant. Coupez la radio. Déjà qu'on a de la réverb, mais en plus on s'entend en double. D'accord. Vous m'entendez mieux là ou pas? Là on t'entend mieux. Désolé parce que j'avais la radio. Raccroche Jolane. Raccroche. C'est Jolane. Mais oui, en fait, si tu Jolane, si tu nous écoutes en même temps, du coup, ça fait une boucle. Putain, et franchement. Bah, je suis désolé, je suis navré, je ne savais pas. Et non, mais franchement, on était bien là. Pourquoi tu nous as rappelé? Mais parce que Jolane va chanter avec nous. T'es venu chanter avec nous, Jolane? Alors non, je voulais juste vous faire des bisous. On veut pas. Garde tes bisous. Elles sont vexées. Les filles sont vexées parce qu'elles t'attendaient ce soir et tu n'es pas venu. Je sais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé. Je m'excuse de n'être pas venu. Et, alors, on ne s'excuse jamais. Je vous écoute quand même, même si je suis pas là. Je reviendrai demain. Enfin, demain. Je reviendrai mercredi prochain. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Prof, que tu n'as pas écouté. Merci. La semaine prochaine, tu seras tout seul. C'est les vacances d'Indestar la semaine prochaine. Ah, c'est les vacances du coup. Ok. Et bon, oui. Bah, après les vacances, je suis là. Promis. Mm-hmm. Sors le violon. Voilà. Maintenant, nous allons chanter tous ensemble, Jolane. Et chanter. Puisque tu es là, nous allons chanter ensemble. Alors, je sais pas ce qu'on va chanter, on va improviser, hein, d'accord? Une chanson d'amour. J'ai juste mis un petit peu de réverb. Ce sera nous. J'ai pris la guitare. Le chemin. Si vous êtes habitué de l'émission, vous savez que je ne sais pas jouer de la guitare. À nous. Chut. Coupe la musique. Bah, le problème, c'est que I like to move it. Vas-y, tu t'es coupé. Allez, c'est parti. S'il suffisait qu'on s'aime. Ah mais non, mais ne me déconcentre pas. S'il suffisait. Écoute. Mais c'est lui qui m'a dit de faire chanter. Mais écoute. Oui, mais. Ah, tu veux de la reprise? Bah oui. Oh, c'est nul. Allez, vas-y, fais ta chanson. Allez, invente. Damn. Ça nous évite de la faire dans deux semaines. Oh, on aurait dit en merde, genre. Non, c'est qui? C'est qui? Oh, on aurait dit le père de Milou. C'est toi. C'est une des stars. Ta ta la il la, est la, tard. La. J'ai un peu tard. La la la la la. Allez, pour nous dire ça, quoi. Eh mais attendez. Moi, je la fais taire depuis tout à l'heure parce qu'elle parle. Mais oui, mais je peux pas me concentrer, moi, dans ce cas-là. Il est juste con. Je suis juste con et je suis pas centré. D'accord. Bon, je suis pas sûr d'avoir d'inspiration en vrai ce soir. C'est pas grave. Mais pour ça, on fait des reprises. Bon, d'accord, on fait des reprises. C'est le suffisait d'aimer. Non, pour que tu n'aimes encore pas. Ah, non, mais c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'était quoi au départ? On avait commencé à chanter. Bah non, mais sinon ça fait. Ah, Louise Attaque, c'était bien ça. Le micro. Ton invitation de Louise Attaque. Ça m'a détruit les oreilles. D'accord. C'est la taquette des gendarmes. Ton invitation, j'ai dû me tourner dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle, dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, pour tu moi. Sais. J'ai ça. Pas confiance, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Hey! Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance. Que t'auras, toi, sur moi, disant, recoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois. Qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, parce que j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me courir dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Tu sais que la guitare elle a plusieurs cordes. Je sais plus ce que c'est. Tu veux encore une trace, centrer un point dans notre espace. C'est j'ai pas toute ma raison. C'est j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. C'est j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. C'est j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Voilà, c'était Louise Attaque. Applaudissons-nous. Une autre. Qu'est-ce qu'on fait? Pour une fois qu'on était en avance, les gars. Une dernière alors, et puis après on va faire dodo. D'accord, une dernière. Dernière danse, c'est ça? Est-ce que tu. Non, est-ce que tu. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. Bah, je sais pas, Anaïs est en train de regarder, je sais pas quoi. Bah, je regarde ce qu'on pourrait chanter approximativement. Je sais. Du trio, c'est facile à chanter, du trio, non? Ah oui, trio. J'avais ça, moi. C'est l'hymne de nos campagnes. De quoi? J'avais un zombie. Ah, zombie. Alors, on fait un trio et après, on fait un zombie pour terminer. Okay, zombie bah, attends, de Cranberry? Ouais. Non, de mon cul. Je vais regarder. Zombie de mon cul. Alors, tu veux quoi de trio, l'hymne de nos campagnes? Elle est bien. Je me remets juste les paroles. Bah, moi aussi, de je regarde les paroles. Ah merde, attends. Attendez, bah, je mets les paroles aussi. Parce que je la connaissais par cœur, celle-là, mais... Si tu es né dans une cité HLM... L'hymne de nos campagnes, lyrics. Attends, je regarde. L'hymne de nos campagnes. Ah là, c'est bon, je l'ai. Attends. On m'attend. Écoute-toi, là. Allez, c'est qui fait les oiseaux? Il y a des oiseaux? C'était quoi, ça? Je sais pas. Il y a des oiseaux? Qui fait les oiseaux? C'est bon, j'ai. C'est plus un petit jeu qu'un oiseau, ça, mais. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'air. Et les mannes, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes.

les armées. Hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je crois qu'il n'y a plus personne. On va pouvoir s'en aller. J'ai reçu un message d'Océane. Oui. Elle fait coucou, comment ça va? Pas trop mal à la gorge, je vous ai écouté toute la soirée, j'étais morte de rire. Oui, mais merci Océane. Oh, qu'est-ce qu'on merci l'aime beaucoup. Océane. C'est on ce qu'on se disait Océane. Tout à l'heure en prenant notre pause, on a vu ton petit message sur le tableau. Et on a vu Santiano, toutes les fautes d'orthographe. Ouais. Non, on a dit stop. Non, c'est non, par rapport à l'océan. Ah. À Océane. Non, quatre saints, oh non, je suis fier d'y être. Ça y est, il a détruit notre ambiance. Ouais, je sais. Bon, alors merci Océane. Oui, du coup, je disais tout à l'heure. Oui. Quand on a enlevé la référence. Oui. Quand nous avons mangé. Oui. Et ben, on avait vu les petits mots d'Océane et on s'est dit, c'est vrai qu'on l'aimait bien. Bah oui. Putain, tout d'un coup, ça. On l'aimait bien notre Océane, mais on est allé vers l'est, vers l'Allemagne. Et nous, on est resté au centre. Et nous, on est resté au centre. Dans le train, c'est. Voilà. Mais reviens-nous vite, Océane. Dans le train, quoi. Et nous, on revient vite également dans deux semaines après. La musique que l'on d'ailleurs, va écouter maintenant. D'ailleurs, Joanne a disparu. Joanne, t'es là? Jojo. Jojo. Jojo. Non, attends, il s'est endormi. Il a dit qu'il serait de retour dans deux semaines. Bon, vous avez, vous vous rappelez du résultat, on va dire, de... 29 juin 2022. Voilà, 29 juin 2022, c'est les 35 ans d'Anna Free. Exactement. Et bien sûr, il nous a mis quoi pour terminer cette merveilleuse soirée? Anna Free. Comme si c'était pas fait exprès. Continuez à marcher, keep on walking. C'est Anna Free sur Indestar. On vous dit bonsoir, on vous fait des bisous, on vous dit bonne nuit. Ciao, et ciao, puis à dans deux semaines. Vous allez nous manquer un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Hein. Oh, bah vous allez manquer, mademoiselle Amélie. Hein. Vous aussi, Henri. Oh, je sais. Et moi, je m'automane. Allez, bonne semaine, bisous. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.